Bonjour. Je pense que je suis comme ça. Ah, ok, on peut le... Bonjour. Oui, bientôt je vais mettre la caméra. C'est du bon. Salam, mon bon ami. Salam, comment tu vas? Ça va bien. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai rien failli rater. Ah. Profondément. Ça va bien, hein. Un sommeil m'a emporté tant. Ah. Je n'aime pas donc. Maroc dans la sainteté, bonjour. Bonjour du côté de Rabat, bonjour du côté de Casablanca, bonjour à tout le monde. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Bonjour. Du côté de la Chypre. Bonjour, la Chypre. Bonjour, la Chypre. Tu as raté du côté de Baza. Le frère Joben, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Merci. Comment ça va du côté de Brazza? Ça va bien, frère Junior. À la grâce de Dieu, ça va. Parlant de Brazza, il tente de prier un de ces jours. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans un ensemble. J'ai vu un grand supermarché. C'était écrit Épice Congo et épicerie, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme s'il y a un supermarché là-bas qu'il y aura le feu. Un grand incendie. C'est dans votre pays là-bas. Mais là, ce style de feu là, c'est pas un feu normal. C'est les gens prennent des esprits pour pouvoir faire des commerces. Et là, ils ne respectent pas des clauses. Donc c'est pour cela que c'est intéressant. Comment tu vas donc à Brazza? Je vais très bien. À la grâce de Dieu, je vais bien. J'espère qu'on va passer de bons moments aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Le frère Melchi, bonjour du côté de c'est Tanger ou bien c'est Tanger, c'est ça? Tanger. Pas danger, n'est-ce pas? Tanger. Oui, exactement. Ok, que le Seigneur te bénisse. Tanger. Mais le frère Juba ne devait pas être avec nous, il est au Maroc. Voilà. Donc tu fais exclure ton frère du coup. La personne, actuellement, il n'y a personne dans notre groupe, le groupe de Baza, du Congo. Il n'y en a pas, il n'y a personne. Je suis seul. Comment on va faire? Je vais être avec le frère Juba seul. Il a encore sa carte de séjour du Maroc. Bon, il est marocain. Non. La sœur Linda Gabo. En fait, on m'a proposé dans mon arrivée que si je voulais repartir encore, j'ai refusé. Donc, si j'ai accepté de repartir au Maroc, je repartais au Maroc immédiatement après mon arrivée. Oui. Parce que quand je suis arrivé, ça m'a pas le prix. Et on m'a proposé, si tu peux repartir, j'ai dit, je peux pas, je reste sur le monde. Mais il y a du travail à Brazzaville, on va en parler en off. La sœur Linda, bonjour et bienvenue du côté de Chypre. Bonjour. Tu as parcouru les différentes îles où l'apôtre Paul prêchait jusqu'à ce que tu allais le retrouver, si tu te retrouves en Chypre. Bienvenue. Merci. Voilà, je vous laisse écouter ceci en un instant et puis on revient, d'accord? Et on plante le décor, on va revenir tout à l'heure là-dedans, même, d'accord? En bas, à tout à l'heure. La gentille de Nice. sont l'histoire de l'Église. Comment l'histoire de l'Église s'est déroulée depuis le premier siècle. Derrière cette histoire se cache beaucoup de choses pernicieuses qui sont glissées. D'où la nécessité de comprendre l'histoire de l'Église. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre pourquoi on vient de l'énoncer, parce qu'on ne pourra pas savoir comment se préparer pour l'avenir. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'homme. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, cette femme est en train de louer le Seigneur. Et du coup, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'est pas, Dieu n'est pas. Et ces autres gens ne les écoutaient pas. Elle louait seulement le Seigneur, elle louait seulement le Seigneur. Et les deux femmes disaient, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas, elles continuaient à louer le Seigneur. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié. Tout ce que le Créateur a mis dans l'univers n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Et quiconque touche à ce qui est donné de façon parfaite par le Créateur de l'univers touche à la souveraineté. Jésus lui dit, toi, tu es docteur des hommes d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il a dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que la doctrine de Jésus ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Donc, la cérémonie de consécration des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que vous voyez là, c'est un héritage de l'Église catholique romaine. Donc, tu as quitté Babylone, tu es encore entré dans Babylone. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. La réforme, c'est pas l'Église. Il transforme son ennemi en ami. Mes amis, il faudrait qu'on puisse engager à fond, car Jésus revient. Il viendra chercher une église sans tache ni rite. Es-tu prêt, mon ami? Es-tu prêt, mon ami? Car il viendra, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'entends, ouvre la porte et il rentrera. Il va souper avec toi. Alléluia. C'est l'église. Comment vous allez ce matin? La seule Linda, je crois que tu es la seule femme pour le moment du groupe. Je ne sais pas où les autres sont partis. Caprice, ça se battait. Ah, la soeur Enel, bonjour ma soeur. Bonjour, bonjour frère Junior. La soeur Linda, comment tu vas? Bienvenue. Merci beaucoup. Sincèrement, je ne me sens pas très bien. Mais je suis juste étourdie parce que quelque chose s'est passé hier en fait. Raconte-nous, c'est quoi? Hier en fait. J'étais à la maison et déjà depuis pratiquement 7 jours, dans la nuit, tu vois, mon cœur bat. C'est comme si je vois que je suis en train de mourir, quoi. Donc, quand j'étais à la maison hier, j'ai eu la sœur Anna, je lui ai dit vraiment, je ne vais pas bien. Je ne vais vraiment pas bien. C'est comme si mon cœur est en train d'aller. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, elle m'a juste dit d'aller en prière. Et puis, j'ai même appelé mon fiancé pour lui dire que vraiment, ça ne va pas. Je crois que je suis en train de mourir. Je vois que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Je ne sais pas comment je suis tombée sur le message d'une sœur au Cameroun, la sœur Aline. Je ne sais vraiment pas comment. Je l'ai écrit et elle m'a appelé. Et quand elle m'a maintenant appelé, je pleurais déjà, tu vois, dans les nuits, je pleurais, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. Donc quand elle m'a appelé, je ne sais même pas trop. Donc j'ai commencé à pleurer. Elle me disait juste, ne raccroche pas le téléphone. Donc j'ai commencé à pleurer, à hurler, à cracher, à vomir sur mon foulard, sur le lit, partout. Je vomissais. Déjà, donc, c'est comme si du côté de mes reins, du côté de mes côtes, il y avait quelque chose qui sortait. Je ne savais pas quoi. Et ça a duré pendant longtemps. Je crois que le reste, c'est elle qui peut bien expliquer, comme je disais encore à Sarah ce matin, parce que je suis tellement étourdie. À un moment, je n'arrivais plus à respirer du tout. Et j'ai vu, donc, comme quelqu'un me tapait sur le dos, quelqu'un était en train de me taper, mais j'étais seule dans ma chambre. Quelqu'un me tapait sur le dos pratiquement même 7 fois avant que j'ai au moins pu respirer. Mais je suis sortie, j'avais vomi partout dans ma chambre, sur le foulard, sur le lit, sur le sol. Bon, c'était le crachat, mais je sais pas vraiment. Ça m'a aussi fait peur, je ne comprenais pas. Mais j'étais soulagée parce que mon cœur ne faisait que bouger vite. Tu vois, donc je disais que ouais, je vais mourir, c'est fini pour moi, je vais mourir vraiment. Donc, je vois maintenant, là, je suis seulement. Genre, juste gloire au Seigneur. Je ne peux pas expliquer vraiment ce qui s'est passé. Oui, mais avant que cela ne commence, tu étais dans le jeûne? Oui, j'étais dans le jeûne. Sincèrement, comme j'avais déjà parlé dans le groupe, bon, peut-être tout le monde n'est pas au courant de mes problèmes de santé. Dans le troisième du jour du jeûne, j'ai eu un rêve qui avait un homme en blanc et un bâton. Bon, en blanc comme ça, un bâton qui m'a tendu la main. Et il m'a dit que je vais arrêter les médicaments parce que déjà j'ai beaucoup de problèmes de santé. J'en ai parlé, je crois, dans le groupe. J'ai beaucoup de problèmes de santé. Donc il m'a dit que je vais arrêter les médicaments. Mais je ne savais pas si c'était mon image. Tu as parlé dans quel groupe? Je n'ai pas vu de commenter ici. Tu as parlé de cela dans quel groupe? Le groupe, c'est la parole. Quand j'ai fait mon témoignage dans le groupe, c'est la parole. Ok, c'est la parole. Sur WhatsApp, ça, c'est WhatsApp là maintenant. Ah, ok, oui. Le groupe des femmes. Bon. Oui, vas-y. Oui. J'étais perdu là. Oui. Disons que depuis que je suis petite, je ne vois pas mes menstrues normalement, mensuelles comme toutes les autres femmes. J'ai toujours eu à prendre des médicaments. Non, je pouvais faire 8 mois sans avoir mes règles. Et puis, je développais du kyste et des fibromes et plein d'autres choses. Donc, je suis toujours sur médicaments. Mais, je ne sais pas, je priais au Seigneur aussi de me guérir. Mais je sais que le troisième jour du jeûne, quelqu'un m'a tendu, il m'a dit que je vais arrêter les médicaments. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai pas compris le rêve. Il y a des rêves que je fais que je ne comprends pas. Donc, je suis juste restée comme ça. Mais je crois que quand je vomissais. Et après, je me suis levée, j'ai dit que je vais arrêter les médicaments. J'ai pris, j'ai jeté à la poubelle. Donc, depuis ce moment-là, tu as arrêté le médicament? Je n'avais pas arrêté. J'ai dit que je vais arrêter à la fin du mois alors. Tu permets donc d'arrêter, d'accord, ma soeur, si tu veux compter sur celui-là qui est venu te tendre le sceptre. D'accord. D'accord, ma soeur. D'accord. Tu permets vraiment d'arrêter. Alors maintenant, je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Je ne sais pas, maman, je crois que c'était une délivrance, une petite délivrance. Il a été dit durant ces jeunes que durant ces jeunes, il y aura la solution. Vous aurez la victoire. C'est pas ce qu'il a été dit. Oui. Mm-hmm. Vous aurez la victoire. On va en parler. Je crois qu'on va en parler après cela. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a un gros chèque qui va même sortir de toi. Le frère Melchi, comment tu es calme comme ça, comme le pape? Ah bon? Non, on écoutait ce que la soeur était en train de dire. Donc, j'étais un peu à l'écoute, regard fixé et prêté oreille. Oui, ma soeur regarde très attentivement ces choses, ces styles de délivrance qui sont, il y a le poison dans le corps. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens qui sont, il y a des choses qui entrent, qui sont dans nos corps, dans nos vies depuis. Il y a beaucoup de lourdeur et puis on ressent beaucoup de maladies. Vous voyez, il y a des choses inouïes qui se trouvent à l'intérieur de l'homme, mais entrant par les esprits. On ne connaît pas là où on a été contaminé. Et subitement, le Saint-Esprit extrait cela dans notre corps. Il faut lui vraiment lui rendre gloire. Parce que si là, si tu avais été avec chez quelqu'un avant que quelqu'un prie, tu veux dire que non, c'est sûr que est-ce que c'est même la personne est même sérieuse. C'est bien quand il traite individuellement avec vous. Tu n'es pas le seul dans le cas là, durant ce moment de jeûne. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous allez entendre ces choses-là. Beaucoup de choses se passent durant ce moment de jeûne. Parce qu'il avait dit, vous aurez la victoire. Donc ça veut dire que les situations difficiles, les situations bizarres qui arrivaient, il y a la victoire durant ce moment de jeûne. C'est fort partout. Fort. Donc fais-lui confiance, d'accord, ma soeur? Amen. Non, mais peut-être c'est l'onction de la peau de Paul qui est encore restée dans l'île qui t'a touché. Hein? On ne sait jamais aussi. Et la soeur. Frère Jobin, j'ai suivi une histoire de quelqu'un, d'une femme qui était dans le coma, quelque chose à l'issue de l'accouchement. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En tout cas, bon, c'est très triste. D'entendre son histoire, c'est vrai que je l'ai écrit, mais ce n'est pas en totalité. En discutant avec elle, j'ai appris beaucoup de choses, qu'il y a des gens qui souffrent vraiment dans ce monde, quoi. Et quand même, nous pensons que nous souffrons, il y a des gens qui souffrent plus que nous. C'est une jeune femme qui a été rejetée par ses parents, élevée par ses grands-parents, et quand ses grands-parents sont partis, elle a été chassée de la maison où elle vit. Elle était maintenant à la traîne, elle restait dans le bâtiment, elle dormait. Pour manger, elle devait aller nettoyer les assiettes, faire le ménage chez les gens. Et on lui donnait à manger comme ça. Jusqu'à ce qu'elle s'est révoltée, elle a dit, mais c'est quel genre de vie que j'ai? Pour manger, il faut que je nettoie ce que les autres ont mangé, ainsi de suite. Je suis fatigué de cette vie. Faudrait que je trouve quelqu'un, peut-être un homme qui prendrait soin de moi. Alors c'était une mauvaise décision. Parce que l'homme qui l'avait prise, c'était pas l'homme qui l'aimait, c'était un homme qui s'est abusé d'elle, l'a enceinte puis l'a abandonné avec l'enfant. Donc la souffrance s'est augmentée parce qu'aucun membre de la famille ne s'est manifesté pendant tout ce temps où elle était enceinte, où elle a accouché. L'homme est parti. Puis elle a pris encore une autre décision que je dois chercher un autre mec, celui-ci peut-être m'aimera cette fois-ci. C'était encore une mauvaise décision. L'homme qui l'a pris l'abusait également. Et puis, pendant cette période où elle est avec cet homme, elle faisait de fausses couches. Chaque fois qu'elle est enceinte, la grossesse sort. Chaque fois qu'elle est enceinte, la grossesse sort. Elle ne comprenait pas. Peut-être jusqu'à 5 fois comme ça, elle avait de fausses couches. Jusqu'à 6e fois, elle a pu maintenir l'enfant. Et à cause de la souffrance, parce qu'elle était abandonnée par par cet homme, elle est rentrée en coma. Elle a accouché d'abord, puis après avoir accouché, elle est rentrée en coma. Puisqu'il n'y a personne pour assister pour l'enfant, le soir de l'enfant, l'enfant est mort. Quand elle s'est réveillée du coma, elle a demandé où est l'enfant, elle a dit que l'enfant est mort. Elle était vraiment brisée, elle était complètement vraiment perdue. Et puis, elle s'est séparée un peu de cet homme parce qu'elle a dit à pardon, c'est qu'elle l'utilise. Comment, quand je suis enceinte, il me fuit, et quand je ne suis pas enceinte, il vient chez moi. Elle a essayé de résister à l'homme pendant un certain temps, mais elle n'a pas pu. Elle a cédé encore à l'homme. Et cette fois-ci, elle est encore enceinte, l'homme a encore fui. L'homme a encore fui, elle m'a raconté son histoire, elle a dit, actuellement, j'étais en train de penser au suicide. Je disais, apparemment, Dieu ne m'aime pas. Si la vie se met que comme ça, souffrance sur souffrance, moi j'en peux plus, j'ai trop enduré depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Ma maman, quand j'essaye d'appeler ma maman ne veut pas me répondre. Elle ne veut rien entendre de moi. Mes grands frères, quand j'essaye de les contacter, ils ne veulent pas non plus me répondre. Donc, la personne va mourir. C'est vraiment une histoire. Là, j'ai essayé un peu de résumer, mais c'est une très longue histoire. Une très longue histoire. Et dans ce cas, et comment tu l'as fait, comment tu as fait pour la rencontrer alors, et quelle est la situation maintenant? En tout cas, bon, Dieu sait ce qu'il fait. Hein. Quand elle était seule dans sa petite cabane en tôle, elle avait senti qu'elle était très seule dans la solitude. Elle cherchait maintenant un endroit pour aller discuter parce qu'elle était seule. Elle a prié, elle a fait la prière, Seigneur, voici, je me sens seule, alors fais que je puisse rencontrer quelqu'un de bien avec qui je discuterai. Donc, après avoir fait la prière, le lendemain, elle est sortie. Elle a rencontré la femme de mon frère. Immédiatement, les deux se sont aimés et elles ont commencé maintenant à rester ensemble. Quand je suis revenu ici, c'est en se rendant chez mon frère que je l'ai vue assise là-bas. Elle était très attentive lorsque je discutais avec la femme de mon frère. C'est juste en discutant dans la maison comme ça que j'ai demandé qu'est-ce que tu as. Quand j'ai demandé qu'est-ce que tu as, wow, elle a commencé à tout dire ce qu'elle avait dans son cœur. Donc voici comment tu peux faire les choses. Le frère Joben, est-ce que tu peux l'inviter un de ces jours pour, comme tu as Skype et dans le lieu où tu te trouves, qu'on soit en prie pour elle parce qu'elle a besoin de délivrance justement. Effectivement, elle a besoin de délivrance. Donc je ramènerai mon PC samedi chez mon frère là-bas et comme elle sera présente. Ou bien même en semaine, d'accord. Il faut qu'elle soit délivrée. Quand elle sera délivrée, elle va se découvrir, d'accord, mon frère. Mais la sœur Linda, merci frère Joben. La sœur Linda, je te pose la question. Tu as dit que tu voulais mourir, que tu sentais que tu mourrais. Mais si tu meurs, c'est une bonne chose. Donc tu peux voir le Seigneur directement. Tu ne voudrais pas aller voir le Seigneur. Je ne pense pas que j'étais déjà assez. Je disais que si je meurs, il faut qu'il me délivre d'abord. Parce que je savais que je n'y suis pas encore. Bon, maintenant, supposons que tout est réglé maintenant. Est-ce que tu es prêt à mourir en laissant ton fiancé, tes parents, ainsi de suite? Si je vais partir au paradis, oui. Donc tu abandonnes ton fiancé comme ça, tu pars. Ah, si c'est pour le paradis, non. Okay. Donc tant que le problème du paradis n'est pas encore résolu, tu préfères rester d'abord ici, quoi. Je ne peux pas encore régler mes voies avec le Seigneur. Ok. En fait, de toute façon, c'est pourquoi nous sommes là pour la sanctification, afin de se préparer à rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur vous bénisse. On va travailler. Je crois que la semaine dernière, si tu n'as pas été là, je ne sais pas où le frère Prince se trouve, ou bien il dort encore. Veuillez le contacter en off s'il est là, il se joint pour qu'on commence. Si vous le voulez bien, je crois que je vais vous faire mettre un autre extrait vidéo. Là, on visionne ensemble pour que ça nous plante le décor par rapport à ce que nous avons à voir maintenant. Si vous êtes d'accord. Absolument. On peut y aller. Le frère Meshé, tu te souviens de ce que nous avons vu la dernière fois, non? Bien sûr. Donc, même sur la vidéo à laquelle vous avez. Ah, vous avez essayé de voir pourquoi ça. Je crois qu'avec ça, il y aura des. Voilà. Donc, vous allez voir maintenant, ne vous inquiétez pas. Là. Dès que vous voyez, n'est-ce pas? Oui. Bon. La sœur Linda, qu'est-ce que tu peux lire ce que tu vois sur ton écran maintenant? Les pucos, les punors de Général de Di. Voilà. Alors, on suit. Oh. Non, on va recommencer là. C'est lui là. La première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne le visa. Ce n'est pas parce que tes papiers sont au complet que tu as le visa. Il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage. Ça s'appelle l'odeur du voyage. C'est important l'argent. En fait, ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière, essayez la pauvreté, vous allez me dire. Je voudrais vous dire que Marine Le Pen sera effectivement risquée présidente de la France. Je suis prophète plus qu'un président. Grâce au couple prophétique, c'est encore plus fort. Au général de Dieu Canada Montréal, ça va déménager. Le diable est le même partout. Hein. Père, je bénis cette machine. Toute personne qui fait quelque chose d'intéressant, je prie que le ciel se souvienne de la personne cette nuit. Amen. Ce n'est plus la même machine. Amen. Voilà, voilà. Ça nous plante le décor et bien travailler maintenant. Frère Francis, tu as la parole. Ah, Père, que Dieu, lorsque nous voyons de telles images, on est simplement dépassé. On est dépassé de ce qu'on peut commenter. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire ça? Ce dernier jour, effectivement, mon cœur est encore fendu, quoi. Défendu par rapport au fait que nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus, mais le fait est que nous ne connaissons pas de qui nous sommes en train de parler, ou encore nous sommes en train de parler d'un autre Dieu, d'un autre Jésus, que celui que la Bible nous révèle comme étant le véritable Dieu, le véritable Créateur. On est en train de parler tout simplement de maman. Là, quand on voit ces images, on voit tout de suite l'esprit. Derrière, vous entendez le son, n'est-ce pas? Oui. Donc, on voit déjà d'abord, on voit l'esprit tout de suite qui anime. C'est l'esprit de maman. On ne peut même pas réfléchir de midi à 14. C'est l'esprit de maman qui est derrière de telles choses, sans vouloir faire offense ou insulter qui que ce soit. Je ne connais pas la personne personnellement, mais je me base juste sur les images que je vois. C'est ce que j'avais appelé à l'époque, parce que depuis, bon, peut-être quand le Seigneur permettra un jour, je ferai le témoignage qui est le mien. Lorsque j'étais pasteur dans une dénomination, et que le Seigneur a eu pitié de moi pour commencer à ouvrir les jeux, j'avais commencé à l'époque à écrire des tests Facebook que j'avais surnommé le désordre dans l'Église. Attends, frère, le temps que... Frère, ben, je ferme un peu ton micro. Fermons les micros pour que le frère, pour que ça, la communication soit bonne. Comme ça, quand on voudra parler, la personne qui parle ouvre son micro. Oui, je ferme également mon micro. Voilà. Donc, je disais, c'était de telles choses que j'avais commencé à voir, que j'avais appelé le désordre dans l'Église. Désordre qui se passe au sein des différentes dénominations. Et qui, malheureusement, a atteint la quasi-totalité, pour ne même pas dire la totalité des dénominations. On voit des choses qui se pratiquent à l'intérieur, qui n'ont aucun sens ni aucun lien avec la vérité. Et ce qui est troublant et ce qui est dérangeant, c'est que les gens s'appuient toujours sur les Écritures. Les gens vont aller dans la Bible prendre certains passages pour justifier les actes pose. Prenons le cas, puisqu'un cas vient de nous être montré avec ce cas. Première chose, quelqu'un se fait appeler général de Dieu. Ça pose déjà un problème. Et ça pose un véritable problème. Parce que de tels titres n'existent nullement. C'est-à-dire, il faut être simplement malhonnête pour essayer d'expliquer ce que que quelqu'un peut s'appeler général de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui lui a demandé de s'appeler comme ça. Il dit c'est Dieu qui lui a demandé de s'appeler comme ça. Le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur n'ira jamais au-delà de ce que lui-même a déjà prescrit. Donc, on peut avoir effectivement des révélations. Il a peut-être eu effectivement une révélation. Quelqu'un est venu nous dire que tu t'appelles général. Ce n'est pas faux. Hein? C'est souvent qu'il a eu, il a reçu quelque chose de clair. Mais est-ce que ce qu'il a reçu là, est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu auquel nous croyons, qui le lui a dit? Ou bien c'est le Dieu auquel il croit? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une amalgame. Il ne faut pas qu'on fasse un truc. Le nom Dieu, tout le monde peut se l'approprier et peut se le donner. Et derrière Dieu, il y a un esprit particulier. Pour nous qui sommes en Christ, pour ceux qui croient véritablement au Seigneur, nous savons qu'il n'y a de Dieu seul que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens prennent le nom de Dieu et derrière ça, il y a un autre esprit qui agit. Et donc peut-être ce monsieur a eu une révélation de son Dieu. Et on le voit bien après dans la suite de l'étude. Il a une révélation de son Dieu qui lui a dit qu'il est le général de son Dieu. Donc oui, il est vraiment général de son Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu des Écritures. Une fois pour toutes, le Seigneur a déjà donné les ministères qui sont les siens dans les Écritures. Il n'ira jamais au-delà de cela. Donc, même les premiers apôtres, les grands apôtres que la Bible dit qu'ils sont les colonnes de l'Église, Pierre, les Jean, les Jacques, les Paul même qui était l'un des plus grands, si on veut voir, en termes des œuvres qu'il a produites pour le Seigneur. Il aurait pu. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas eu cette prétention de s'appeler général ou même maréchal de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que lui, il a dit qu'il est le moindre de... Comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui avait fait cette œuvre, l'a dit, je suis le dernier des apôtres, je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous ces apôtres-là. Alors qu'il avait accompli des œuvres extraordinaires, ou bien le Seigneur a accompli des œuvres extraordinaires au travers de lui. Mais il n'a jamais eu la prétention de s'appeler général, maréchal ou quoi que ce soit. Au contraire, il a dit, n'ayez pas une haute estime de vous, mais recherchez plutôt ce qui est humble. Donc, là déjà de un, ça montre l'orgueil de la personne. Ça définit l'orgueil. Or, l'orgueil est une caractéristique du prince de ce monde. Donc, seulement au carrément du titre qu'il porte, on dégage déjà l'esprit qui est derrière, un esprit d'orgueil. Et l'orgueil, c'est Satan. Donc oui, il est général de Dieu, mais il est général de son Dieu, véritablement. Parce qu'il ne peut pas être général du Seigneur Jésus-Christ. Aucun n'a jamais fait cela dans les Écritures. On n'a jamais vu quelqu'un le faire dans les Écritures. Les véritables, bien après, ceux qui étaient qui ont reçu cette foi authentique du Seigneur, même après, n'ont jamais fait de telles choses. Pourquoi est-ce que c'est dans notre génération, dans notre époque, que de telles choses arrivent? Il faut se poser la question. Donc, c'est mal le titre de la personne pose problème. Ensuite, il dit qu'il est prophète. Et il est prophète de Dieu. Et il va faire une prophétie, disant que je vous annonce que, et ça, je suppose que ça, c'était avant les élections en France, je vous annonce que Marine Le Pen sera présidente de la République. Aujourd'hui, qui est président de la République en France, c'est Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent concernant les prophètes authentiques de Dieu? Il nous est bien révélé dans les Écritures que si quelqu'un vient vous prophétiser quelque chose et que la chose ne s'accomplit pas, il aura prophétisé par audace, il aura prophétisé pour lui-même. Et ce n'est pas moi qui l'a envoyé. Et j'avais posé effectivement cette problématique une fois dans le groupe de savoir, est-ce qu'un véritable prophète du Seigneur Jésus-Christ peut prophétiser quelque chose qui ne s'accomplit pas? Peut-il se perdre un moment donné? Parce qu'effectivement, je me rappelle, l'année dernière, au moment de l'élection du président Trump, il y a eu beaucoup de dérives. Et beaucoup de personnes, beaucoup de, entre guillemets, soi-disant prophètes, annonçaient que c'était Hillary Clinton qui gagnerait les élections. Et elle a perdu les élections. Et je me rappelle, un d'entre eux ayant été pris à partie par des personnes qui étaient venues, mais tu avais dit que c'était Hillary Clinton. Et c'était la deuxième fois qu'il se trompait déjà. Tu avais dit que c'était Hillary Clinton. Il devait, en 2008, d'abord, en 2008, quand Barack Obama avait été élu, il avait dit que c'était Hillary Clinton qui devait gagner les élections. C'est Barack Obama qui est passé. En 2016, il revient, il dit que c'est Hillary qui va gagner. Et c'est Trump qui gagne. Et donc les gens lui ont demandé, mais au fait, tu dis que c'est quoi ta prophétie alors finalement? Et les gens l'ont bien insulté. Des non-croyants l'ont bien insulté. J'étends le propre, parce que le mal dans ça, c'est que ce n'est même pas lui qui en pâtit. mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est traîné dans la boue et fait en sorte que les non-croyants disent que mais vous êtes des plaisantins, vous êtes en train de vous amuser. Et c'est son nom. Et donc, pour justifier son erreur, il avait posté un mail dans lequel disait un prophète du Seigneur peut se tromper. J'appelle toutes les personnes à qui j'avais annoncé des choses et que ça s'est accompli de venir témoigner ici pour témoigner que je suis un vrai prophète du Seigneur. Je dis ça c'est de l'escroquerie spirituelle. Ça c'est terrible. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à de tels... Je ne sais même pas le terme que je peux trouver pour expliquer. C'est grave. Au lieu de reconnaître simplement qu'on s'est trompé, de déposer la Bible et d'aller se passer auprès du Seigneur pour chercher à le connaître, on trouve des raisons pour expliquer ça. Donc, le monsieur, Katam, Dieu me donne, annonce que, voilà, il va avoir telle chose qui va se passer, et malheureusement, la chose ne s'accomplit pas. La question se pose, il a envoyé, qui lui a donné cette onction de prophète dont il parle? Il peut être effectivement prophète, n'oublions pas qu'il y a aussi des prophètes de l'autre côté, qui ne sont pas prophètes du Seigneur. Donc, là, voilà, le fait que ça ne s'accomplit pas vient déjà remettre en question ce qu'il avait dit. Et non seulement ça, pour pousser le bouchon trop loin, et voyant que, en fait, l'église du temps actuel, qu'on appelle l'église visible, est en compétition avec le monde. Il dit que le couple prophétique, c'est le couple qui est au-dessus du couple présidentiel. C'est écrit où? Qui? C'est-à-dire, je me pose la question, quelle est la Bible qu'ils lisent? Et comment est-ce qu'ils arrivent à pouvoir authentiquement justifier ça? Comme montre un seul prophète dans les Écritures, de Genèse à Apocalypse, qui a osé, d'abord, couple prophétique, ça veut dire quoi? Ça n'existe nulle part. On est un prophète, il est prophète seul. Il n'est pas prophète, sa femme est prophétesse, il forme le couple prophétique. Ça n'existe pas. On est un prophète, ministre du Seigneur pour accomplir une œuvre. Et ce n'est pas parce que je suis prophète que on devient le couple prophétique. Paul, Pierre n'a rien dit que le couple apostolique. On le voit bien dans les Écritures. Jamais on a mentionné le nom de la femme de Pierre. On ne sait pas ce qu'elle faisait. Elle était dans le silence. Mais pourquoi eux ne vont pas faire? Pourquoi nous? Donc, il faut qu'on se pose la question. Puisque nous disons que nous sommes basés sur les apôtres et les prophètes, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ne l'ont pas fait? Quand on ne voit même pas une trace de ce qui se fait, qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est en train de répéter ça? Si ce n'est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Donc, voilà seulement ces deux aspects-là montrent. Et n'en parlons pas là maintenant de sa manière de faire le voyage, disant que tu peux avoir tous tes papiers et il y a une odeur, il y a l'odeur du voyage. C'est quoi l'odeur du voyage? J'aimerais bien qu'il nous explique ça. C'est quoi l'odeur du voyage? Donc, il y a ceux qui ont une mauvaise odeur. Quand tu as une mauvaise odeur. En fait, ce que ces gens-là ne veulent pas dire, ne veulent pas expliquer. Le Seigneur le mettra à nu tôt ou tard. C'est que ils sont dans les couloirs obscurs en train de soudoyer pour pouvoir voyager. C'est cette odeur du voyage-là dont ils ne disent pas. Mais le Seigneur mettra ça à nu. Plus nous allons avancer, plus le Seigneur va mettre ça à nu. Qu'on ne se trompe pas. Cette odeur du voyage dont il parlait là, c'est entre autres les corruptions, les trucs obscurs la nuit. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ils vont toujours pas des moyens détournés. Ils vont toujours derrière pour essayer de voir. Ils vont chercher la relation de la relation de la relation. Ah frère, est-ce que tu connais l'ambassadeur? Vraiment, vois l'ambassadeur pour mon cas. C'est ça qu'ils ne disent pas. Ils viennent dire que l'odeur du voyage. On n'a pas besoin. En tout cas, je connais une histoire d'un frère qui est allé. Il n'avait aucun papier mais pour qu'il puisse voyager. Le Seigneur l'a fait voyager. Le Seigneur l'a fait voyager, il n'avait aucun papier. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas l'odeur du voyage, c'était bien ses frères. Il n'avait pas l'odeur, c'est-à-dire qu'il devait le chasser même. Mais le Seigneur a permis qu'il voyage. Donc, il n'y a pas d'odeur. Ce n'est pas une question d'odeur du voyage. C'est que lorsque le Seigneur veut te faire voyager normalement, il te fera voyager normalement, même si tu tu n'as pas de papier, parce qu'il n'y a pas de logique dans ces choses-là. Tu peux avoir, on a expérimenté ici. Une fois, on voulait, par exemple, voyager aux États-Unis. On en a là-bas. On avait tous les papiers. Je travaille, mon épouse travaille. On avait le compte qui était fourni. On avait tout. On avait deux fois, on nous a refusé le visa. Deux fois. Alors qu'on partait pour revenir, on n'allait même pas caler, parce que les États-Unis, ce n'est pas un pays particulièrement connu pour lequel je vais aller dire que je vais aller m'installer là-bas. Donc deux fois, on nous a refusé le visa. Donc c'est pour dire que toutes ces choses-là, ce n'est pas une affaire de... Il n'y a pas de mysticisme à derrière créer comme un truc. Parce que tout ça, c'est encore des réseaux qui sont en train de vouloir créer. Pourquoi ils font ça? Parce que derrière ça, ils vont pouvoir tirer un peu d'argent. Ils vont pouvoir amener les gens à venir. L'odeur du voyage en question, c'est « Voilà, frère, si tu veux voyager, viens s'aimer. » Viens s'aimer. Donc, derrière ça, c'est l'argent. Et enfin, le fameux, il prend le truc où on met les cartes bancaires, il prie dessus. Mais il sait pourquoi il prie dessus. Et l'esprit, en fait, quand il fait fou comme ça, ce n'est pas au hasard. Parce que les gens voient ça, ils pensent que non, il fait ça comme ça. Ce n'est pas au hasard. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas prendre ta carte bancaire, tu vas mettre à l'intérieur, tu vas vider tout ton compte. Il sait quand tu dis que la chose, il ne peut pas jouer avec ces choses. Il dit que cet appareil n'est plus le même appareil. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Effectivement, ce n'est plus le même appareil. Ce n'est plus le même appareil. Je suis plus comme ça que tu mets ta carte là et puis tu ne comprends pas par quelle alchimie, par quelle magie, tout ton compte bancaire, tu vas le virer pour faire une soi-disant. Est-ce que c'est monté ou est-ce que nos chers aînés, nos grands frères ont fait ces choses? Alors que, je veux dire, s'il y avait des personnes qui pouvaient le faire aussi facilement à leur époque, c'était bien les pôles, c'était bien les pierres. Parce qu'ils arrivaient un peu idolâtre, à qui pouvait facilement, manier que oui, il faut faire des offrandes. D'autant que c'était un peu idolâtre qui offrait des offrandes à leur faux Dieu. Donc, un pôle, quand tu finis par exemple à l'istre de prier pour ce malade-là, qui était perclus des pieds, il pouvait directement là, quand les gens venaient offrir des offrandes, dire que oui, c'est même ça, apporter beaucoup des offrandes, ça c'est peu. Mais toute la ville allait sortir lui donner des offrandes. Il serait l'homme. À son époque, l'un des plus riches, mais il ne l'a pas fait, il a déchiré son vêtement. Mais ceux qui se disaient apôtres, prophètes aujourd'hui, font le contraire de ce qu'il y a. Donc il faut savoir quel est l'esprit véritablement qui est en nous. Et lui, il est la face visible de l'aspect, parce que 99% des églises de type dénominationnel sont dans ce problème-ci, sont dans ce problème-là, et c'est grave. Donc, à la vue de tout ce qu'on vient de voir, on se rend simplement compte que c'est de l'arnaque, que c'est une entreprise commerciale, c'est tout, c'est de l'arnaque et c'est une entreprise commerciale. Malheureusement, on a pris le nom du Seigneur Jésus-Christ et on a mis ça en avant, ce qui fait que les gens n'arrivent plus à discerner et que maintenant on met, parfois on est même tenté de mettre ceux qui sont dans la vérité dans le même panier. Parce que des hommes ont pris le nom du Seigneur Jésus-Christ et l'ont mis en otage. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur bien vivant et qui s'est gardé, il se garde toujours un petit reste qui marche dans la fidélité. Et que lorsque l'heure aura sonné, ça va exploser. On ne peut pas indéfiniment être en train de tromper des gens comme ça et penser que ça va rester de la sorte. Un tôt ou tard, ça va changer. Donc, voilà un homme qui fait son spectacle. Regardez la mise en scène de la chose. C'est simplement pour, avec des sons derrière qui sont... Tout ça est bien préparé. Regardez les sons. Comme l'autre jour, je voyais, j'ai vu sur un site internet quelqu'un qui, une église, entre guillemets, une dénomination, qui est en train de faire sa publicité pour la nuit de la traversée du 31. Mais écoutez la musique qui était le fond. C'est une musique de film souvent pour essayer d'attirer les gens, pour créer des émotions. Mais pendant que pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Vous dites que vous êtes du Seigneur. Mettez donc une simple musique, dites du Seigneur qui va attirer les gens. Mais vous mettez des films poum, poum, poum, poum, poum, qui vont attirer les gens. Ça montre l'esprit véritablement qui est derrière ça. ça montre le véritable esprit. Et ça montre, et c'est là, on va donc couper la page, qui est le maître des dénominations actuellement? Quel est l'esprit qui a derrière les dénominations? C'est qui a suscité ce que nous sommes en train de voir actuellement? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, qui est véritablement derrière, ou bien alors un autre qui est derrière? Donc je pense que les temps que nous allons passer, par sa grâce, qu'il lui plaise, on démontrera et montrera quel est vraiment l'esprit qui se cache derrière ces différentes dénominations dans laquelle la plupart d'entre nous est sorti. Et je dis encore une fois de plus, le malheur que nous avions, c'est que lorsque le Seigneur prend notre parole, malheureusement, nous nous sommes retrouvés pour la plupart dans des dénominations. Non, c'était notre chemin, la plus haute Seigneur. Ça fait que le poison, il y a un énorme poison que nous avons pris pendant toutes ces années-là, qui fait que même parfois en sortant des dénominations, on a souvent voulu répéter les choses que nous avions faites sans comprendre ce que le Seigneur attendait de nous. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qui est mauvais? On fait quand même les choses du Seigneur à l'intérieur. On ne connaît pas le poison qu'on a pris. Et je comprends de mieux en mieux la nécessité, de se laisser désinfecter, de se laisser nettoyer profondément par le Seigneur. Parce que non seulement on était d'abord dans le monde, avec l'esprit du monde et tout ce que cela peut comporter. Nous avons été éduqués selon une certaine façon, avec des principes immoraux. En plus de ça, maintenant, vous comprenez le coup. Quand on a commencé à voir, ou bien quand on a commencé à être attiré par le système religieux, nous sommes entrés dans un système qui est encore venu ajouter un autre poison encore plus subtil et plus mauvais en nous. Donc, imaginons tout ce qu'on a déjà ingurgité. Si on a 20 ans, 25 ans, donc pendant 25 ans, 30 ans de notre vie, on a ingurgité que du poison. Et maintenant, le Seigneur veut enlever ça, veut nettoyer ça. C'est pourquoi, effectivement, il faut que nous, qu'on aille pas à pas pour voir comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler, ce qu'il attend de nous. Et le danger des dénominations, je dis bien le danger, c'est-à-dire c'est le plus grand danger qui soit aujourd'hui. Les guerres et tout ça, c'est là tu peux mourir dans ton corps physique. Si tu es dans le Seigneur, tu vas vivre. Mais le truc qui empoisonne le plus dans ce temps actuel, c'est les dénominations. C'est un poison dont on n'a même pas idée. Parce que ça affecte ton esprit, ça affecte ton âme au point où tu deviens aveugle, où les choses élémentaires, tu ne les vois plus. Parce qu'aujourd'hui, quand tu lis les Écritures, tu te dis, mais Seigneur, on faisait quoi? On lisait quoi? On pratiquait quoi? C'était quoi cette affaire qu'on était en train de faire? Tous les dimanches, on se retrouvait, les mercredis, on était là. On disait entre guillemets, on parlait en langue, on disait qu'on était baptisé du Saint-Esprit, on faisait des choses. Mais qui nous a envoyé? Ça sort d'où? Qui a fait ça? Donc, pour ne pas monopoliser seul la parole, parce que c'est un sujet tellement qui me porte à cœur. Lorsque je commence à m'avancer sur ce sujet-là, je ne peux pas mettre des heures. Que le Seigneur, vraiment, dans ces temps, vienne à notre secours et mette vraiment à nous chaque aspect de cette religiosité-là, chaque aspect des choses que nous avons pratiquées. Et je pense que nous sommes des bons cobayes. Et moi, peut-être un peu plus que les autres, du fait que j'étais au cœur du système, j'étais en plein cœur du système, j'étais même un activiste fort du système, j'y ai participé de manière profonde. Quand j'en parle aujourd'hui, et viens discuter, et me disant, mais pourquoi tu as quitté ça? J'ai ri seulement, j'ai dit, vous parlez, parce que vous étiez peut-être des simples membres. Moi, j'étais à l'intérieur. Je faisais partie du conseil pastoral, j'étais pasteur dans ces choses-là. Donc je sais exactement ce qui se passe. Nous encore, c'était un niveau moins élevé, parce que c'était plus l'ignorance qu'autre chose. Mais si à notre petit niveau-là, On a fait ce qu'on a, on a fait. Donc imaginez-vous au niveau un peu plus élevé que le nôtre. Donc on ne parle pas des choses qu'on entend, qu'on a, on nous a dit. On parle des choses qu'on a vues, qu'on a pratiquées et dont on a vu l'effet néfaste dans nos vies. L'effet néfaste parce que ça n'a rien produit de véritablement intéressant. Donc, voilà un peu ce que je peux déjà dire à ce point. Peut-être qu'avec les questions qu'on aura, on pourra relancer et aller un peu plus en profondeur pour édifier. Parce que le but ici, là, ce n'est pas de la critique ou la critique. Ce n'est pas, on n'est pas dans un souci de critiquer les gens pour se mettre nous-mêmes en avant, pour dire que nous avons réussi, nous sommes avec le Seigneur. Non, le but ici, là, c'est de vraiment faire prendre conscience aux gens qui s'y trouvent encore du danger, de la dangerosité dans laquelle ils se trouvent et de les interpeller, crier pour qu'ils puissent sortir du milieu de ce système-là, sortir véritablement. Ce n'est pas amour qu'on le fait, ce n'est pas pour critiquer. Je n'ai rien, je ne connais pas ce monsieur-là. Et je n'ai rien contre lui personnellement. Mais je suis en train de dénoncer l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est en train de faire du mal, de rendre captif. Des familles sont détruites, des foyers sont détruits à cause de ça. Des familles aujourd'hui, des gens se retrouvent, des enfants se retrouvent dans la rue à cause de ça. Aujourd'hui, des mamans sont abandonnées à elles-mêmes à cause de ça. Comment ? Donc, ce n'est pas une affaire de jeter la pierre pour jeter la pierre. Il faut que les gens comprennent que la dénomination dans laquelle elles se trouvent, même si elles sont simples, même si elles sont comment, elles sont sataniques, elles sont démoniaques. C'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Elles sont démoniaques. Il faut sortir en courant, en prenant ses pieds et sortir de là-bas en toute vitesse. Ne me pas chercher, essayer de dire que je vais changer parce que j'ai souvent entendu ça à l'époque de certaines personnes et j'ai même cru ça au début que non, je pouvais changer le système en étant à l'intérieur. On ne change pas un système qui est déjà condamné. On ne peut pas le changer. Ce système est déjà condamné. Il ne peut pas être transformé. Il ne peut pas être changé. On ne peut pas être assis sur une branche et couper la branche sur laquelle on est assis, pensant que parce qu'on est assis dedans, on va couper. Non. Il faut descendre de la branche et maintenant bien couper la branche de l'extérieur. Donc c'est impossible, c'est un système qui est impossible. Et beaucoup de personnes vont sûrement critiquer, on dit ah, vous exagérez, parce que vous faites, vous avez un problème particulier avec eux, et avec les dénominations et tout. Non, ce n'est pas qu'on a un problème particulier avec quiconque, une fois de plus, je le dis. C'est parce que ce et que rien de bon ne peut sortir de là, rien de bon ne peut sortir de là. Et le Seigneur nous appelle, il a déjà l'appel, sortez mon peuple, sortez du milieu. Donc c'est dans le but d'édifier, d'encourager les gens à sortir de là, que de quelconque son Seigneur ne vraiment pas insulter, on n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans le mépris de qui que ce soit, non. C'est vraiment pour interpeller les personnes que leurs yeux souffrent. Voilà un peu ce que je peux dire jusqu'à présent. Voilà. Et je crois qu'on aura beaucoup de... Maroc dans la santé, on aura beaucoup de choses à développer aujourd'hui. Et on a tout le temps. J'espère que vous avez tout le temps. Voilà, comme le frère Francis a développé, on va encore entrer dans le développement. J'ai pu noter, vous avez vu, j'ai dû prendre parce qu'il savait que ça devait bader là. J'ai dû prendre ma feuille pour noter tout ce qu'il tenait de dire. Et j'ai ressorti beaucoup de choses là sur les titres. Père des Nations, pasteur itinérant, apôtre international, archbishop, général Ovasia, cardinal, couple apostolique, les pasteurs à femmes avec les femmes des derrières apostoliques, cathédrale de la foi, ainsi de suite. Donc, d'après le développement que notre frère a de faire, on peut donc identifier les hommes à partir de certaines caractéristiques dont on pourra développer au fur et à mesure. Et quoi qu'on va ressortir ces caractéristiques-là, parce que, comme il a bien signalé, le but, ce n'est pas non seulement de critiquer, parce que même c'est quand même bizarre pour aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on dit quelque chose, au lieu de vérifier à la lumière des Saintes Écritures, les gens se posent la question, qu'est-ce que vous avez contre les hommes de Dieu, encore en appelant hommes de Dieu. malgré que les preuves scripturaires sont là pour prouver que telle ceci, ceci est fait à la négligence de la parole de Dieu, sans tenir compte même des prescriptions, de la limite instituée par la Bible. Donc, je crois comme le frère Francis a dit, le souci c'est de faire comprendre aux gens qui doivent vérifier là où ils se trouvent et vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Donc, le cœur du système doit être touché pour résoudre le véritable problème qui se trouve au milieu chrétien aujourd'hui, comme il a dit. Maintenant, la première question que je pose maintenant, c'est comment comprendre que malgré tant de dérèglements, les gens continuent de suivre ce genre-là, frère Merchi, frère Jubin, qui prend la parole. Comment comprendre que malgré tout ce que le frère Francis développe là, malgré ce que nous avons constaté dans la vidéo, je vous rassure, d'autres vidéos, je vais encore programmer d'autres vidéos, vous allez voir. Ou bien si vous voulez, on prend d'autres vidéos, ou bien après avoir répondu à cette question-ci, je vous présente une autre vidéo, vous voyez, et puis on continue. C'est fort. Comment comprendre donc que malgré tant de dérèglements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui constatent clairement que ce qu'on fait n'est pas biblique, comment comprendre l'engouement? Ces mêmes personnes font des affiches, publient sur Facebook et au-delà, et on voit clairement toutes ces choses-là manifestement contraires à la parole du Seigneur. Comment, j'ai dit, la question c'est comment comprendre que malgré cela, et on voit là, c'est la deuxième partie de l'église va mal que nous avons vu commencer la semaine dernière. Comment comprendre donc l'engouement des gens à aller malgré que ce soit contraire à la parole de Dieu, frère Jobin, frère Meshi, sœur Linda, comment comprendre cela? Ah, mais frère, il est clair, par exemple, dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 3, la Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de prophètes, selon leur propre désir. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ils ne partent pas là-bas parce qu'il n'y a pas, il y a pas de miracle. Il y a effectivement des miracles là-bas. Il y a des choses qui se font là-bas, il y a effectivement. C'est pour cela qu'ils partent là-bas. En discutant par exemple avec mes sœurs, elles me disent, mais il y a des choses là-bas, ils disent des choses qui sont vraies, des choses qui se réalisent. Mais on dit, mais oui, effectivement, le diable est puissant. Quand la Bible dit qu'il est le prince de ce monde, ne pensez pas que c'est un petit être qui est quelque part comme ça. Non, le diable est puissant. Il est capable d'accomplir même des miracles. S'il était capable de donner, par exemple, de donner une vision au Seigneur Jésus-Christ alors qu'il sortait à peine du jeûne, et combien de fois nous, les êtres humains, le diable est capable de donner des prophéties, le diable est capable de donner des visions. C'est d'ailleurs des magiciens, des sorciers qui ont quitté l'Orient pour venir trouver là où le Messie était né. C'était pas des choses physiques, c'était des choses spirituelles qu'ils voyaient à propos du Messie. Donc le diable connaît toute ta vie. Quand par exemple nous vivons ici, il est au courant de toute notre vie. Et donc si nous voulons qu'il puisse nous dire des choses à propos de notre vie, il va nous le dire effectivement. C'est pour cela que si vous ne cherchez pas le Seigneur de la bonne façon, pour avoir une intimité, une relation avec lui, le diable vous donnera des prophéties. Et vous penserez que vous servez Dieu parce que vous avez des prophéties, vous recevez des miracles. Or l'objectif à venir auprès du Seigneur, ce n'est pas pour des prophéties. Parce que la prophétie prendra fin, les miracles prendront fin, ainsi de suite. Toutes ces choses prendront fin. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas ça ce qu'il est venu apporter. Il est venu apporter un message. Le message, c'est que ceux qui sont à lui puissent venir à lui pour la vie éternelle. Or, ce qu'aujourd'hui nous vivons, c'est comme le frère Francis vient de dire, c'est de l'entreprise. C'est vraiment de la marchandise que les soi-disant pasteurs sont en train de faire. Donc, je suis là juste à côté de moi, ma fenêtre juste derrière, soi-disant une église ici, là, mon frère. Hier, là, vraiment, c'est pas possible. Il faisait du bruit depuis 16 heures jusqu'à 19h. Moi, oh mon Dieu, je voulais dormir, mais je n'arrivais pas. Et effectivement, des gens qui viennent. Pourquoi ces gens viennent? S'il n'y avait rien, les gens ne viendraient pas. Les gens viennent parce qu'il y a des choses qui se font là-bas, des choses qui se passent. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent. Et donc, les gens sont trompés, les gens sont séduits, les gens sont séduits. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours des miracles, ils cherchent des prophéties, ainsi de suite. Ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'avais cité l'autre fois, vous ne lisez pas la Bible. Vous voulez des miracles, des prophéties, ainsi de suite. Et puisque vous avez soif de quelque chose, parfois vous ne savez pas de quoi vous avez soif en fait. Alors vous vous laissez séduire maintenant par des faux prophètes. Puisque vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas donc la possibilité de détecter un faux prophète. Il suffit qu'il dise quelque chose pour que vous le croyez. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un problème, c'est un problème. Il y a des miracles, effectivement, là-bas qui se passent. Il y a des choses qui se passent là-bas. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Quoi. Voilà, frère, mais j'ai quelque chose à ajouter. Comment comprendre que malgré tant de dérèglements dénoncés ça et là, et malgré la clarté de la disgrâce donnée par ces personnes-là, ils livrent les Écritures en spectacle. On voit des scandales qui arrivent. On voit clairement que telle chose n'est pas faite selon les règles des Écritures. Comment comprendre que les gens continuent toujours à y aller? Bon, je pense qu'il y a une grande partie qui était déjà mentionné avec le frère Francis et le frère Gilbert. Donc, peut-être pour ajouter à ce qui a déjà été dit, moi, je constate une chose. La chose qui m'attire, premièrement, c'est que ces personnes-là ont ressorti comme un principe établi universellement. C'est-à-dire, ils écartent les gens au principe biblique et ils font voir ou bien vouloir convaincre ou persuader les gens de regarder les choses au principe universel. C'est-à-dire, lorsque tout le monde croit que la chose de sens où une chose à laquelle le monde entier adhère ou le monde entier accepte cela. Donc forcément, ces gens-là voudront aussi conduire leurs membres dans ces organisations à y voir aussi des choses comme ça. Donc en ce cas du principe biblique, alors que les chrétiens, en principe, devaient marcher sous la parole de Dieu, ou bien examiner toutes choses selon la parole. Et c'est pourquoi même la Bible déclare, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi à cause de vous parmi les païens. Donc c'est en observant toutes ces abominations, en observant toutes ces choses qu'ils sont en train de faire, et voilà, ceux qui, en effet, ne sont pas de Dieu, en regardant ces choses, même ceux qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont de la magie ou bien dans certains sectes pernicieuses, voyant faire les mêmes choses à laquelle ils font, ils se disent tout simplement qu'il n'y a pas de distinction, donc nous sommes tous de le même lot, même de la même loge. Et ces gens-là, en effet, s'ils ne partent pas, c'est parce qu'ils ont un intérêt d'abord personnel dans ces pasteurs-là, ou bien ces soi-disant hommes de Dieu. La Bible déclare que l'homme regarde ce qui est, qui frappe des yeux, mais Dieu regarde ce qui est du cœur. Donc il y a certains désirs, en effet, pour eux, ne peuvent être que satisfaits si, seulement si, ils s'attachent à ces gens-là, malgré qu'on leur dise que ce qui, en fait, est établi ou bien fait, n'est pas la sainte doctrine. Mais pour eux, ce n'est pas en fait ça. C'est en fait la résolution de ce qu'ils attendent depuis longtemps. Donc s'ils ont eu l'occasion, ils vont s'attacher à l'occasion-là. Peu importe la source à laquelle la chose est opérée, on s'attache uniquement à ça pour trouver une solution particulière à laquelle on s'y attendait depuis longtemps. Donc il y a ce désir-là, il y a ces envies-là des gens qui écartent la vue, ou bien qui écartent la résolution des problèmes selon la parole, mais qui veut maintenant la résolution des problèmes selon l'homme. Et malgré les choses ou bien les actions à laquelle l'homme là peut faire pour lui ou pour elle, la chose la plus importante, c'est de résoudre son problème. C'est pourquoi même dans ces organisations là, chacun vient parfois devant avec des photos, donc les gens viennent qu'avec des problèmes, ils viennent qu'avec des problèmes pour trouver des solutions. Ce sont des problèmes de visa, ce sont des problèmes de voyage, problèmes de mariage, toute forme de problème. On met les photos des gens. Donc, c'est bien que parfois les gens qui font la magie, ben, ceux qui sont des féticheurs, ceux qui font des maraboutages, quand ils voient ça, je me rends compte, personnellement, s'ils voient des choses comme ça à la maison, bien qu'ils soient marabouts, en regardant ces formes d'opérations faites par ces pasteurs-là, ils se disent qu'ils font la même chose. Imaginez-vous, par exemple, si moi, je suis une personne, je veux un mariage, ou bien je veux que cet homme-là, ou bien cette femme-là, puisse accepter ma demande au mariage. Je prends la photo de cette femme et j'emmène à l'église, entre guillemets, et je présente ma photo devant le pasteur, et c'est le pasteur qui va prier afin que je puisse obtenir cette femme-là. Donc, c'est cette séduction-là. Moi, j'ai toujours mis le point, l'accent sur la séduction. C'est la séduction qui fait de telle sorte qu'on s'y accroche à ces gens-là parce qu'ils ont, entre guillemets, on peut parler, la résolution de la solution à mes demandes ou bien à mes problèmes. Peu importe que la parole, ce qui est prêché, soit vrai ou fausse. Mais il y a une cause ici par rapport à ces gens-là, c'est le manque de la connaissance de la parole. C'est seulement si on était assis de la parole et ayant l'amour de la vérité, je ne pense pas qu'on devait être égaré jusqu'à ce point. Donc, frère, mais si on comprend bien l'analyse dont tu fais, il est question du fait qu'en réalité, les gens ne cherchent pas le Seigneur, mais cherchent la résolution à leurs problèmes. Et par conséquent, ils peuvent être conduits dans les erreurs sans s'en rendre compte. Et quand bien il y a l'erreur, ils ne veulent pas voir l'erreur, ils désirent la résolution de leurs problèmes. Exactement. Voilà. Les sœurs, avez-vous quelque chose? Oui, mon frère Francis. Oui, juste pour encore amplifier, parce que c'est vraiment très important ce qui est dit. Juste pour amplifier ce que les frères ont dit. Si nous pouvons juste encore repartir dans les Écritures, dans le livre de Thessaloniciens 2, on peut commencer au premier verset. Mais le verset vraiment qui nous intéressera, c'est le verset 9. Mais pour remettre un peu le contexte, vous permettez, avec votre permission, mes chers frères, je voudrais lire ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, c'est vraiment, je voudrais m'arrêter sur ce passage-ci. Parce que ce passage-ci relate quelque chose de très important. Il faut d'abord qu'on puisse situer le contexte dans lequel actuellement nous nous trouvons, à l'heure actuelle, à quel moment nous nous trouvons. Nous sommes tous d'accord que nous sommes vraiment à la période où nous attendons notre réunion avec le Seigneur. D'un moment à l'autre, cette réunion va se produire. Et le Seigneur, au travers de la bouche de son apôtre Paul, va donc nous informer, va nous donner des informations précises sur la période précédant notre réunion avec le Seigneur, le Fils de la perdition. Ça, c'est un autre enseignement que si le Seigneur pourra nous donner, que le Fils de la perdition apparaisse. Beaucoup de personnes disent qu'il faut d'abord qu'il apparaisse, sans savoir que le Fils de la perdition est déjà au milieu de nous. Mais il n'est pas encore visiblement là. Il est là. À l'heure actuelle, là, le monsieur est là, quelque part, en train de se promener, de regarder, de se préparer. Mais il est déjà là, le Fils de la perdition. Il faut qu'on le sache bien. Il est déjà là, mais juste que son nom n'a pas encore sonné. Un peu comme à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, qui était déjà présent. Mais à quel âge il s'est manifesté? À partir de 30 ans. Mais il était déjà au milieu des hommes. Il était là, et son temps n'avait pas sonné. Donc, sachant que le Fils de la perdition est déjà là, et que son heure va sonner d'un moment à l'autre. Ça, ce n'est pas le but de ce partage. Donc, et le Seigneur nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, on est dans le temps de Paul, il y a plus de 2000 ans. Donc, à ce moment, nous parlons, le mystère de l'iniquité est déjà en train d'agir. Il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Gloire au Seigneur, parce que son Église encore là, et l'Esprit du Seigneur encore là, c'est à cause de ça que le mal ne s'étend pas. Et alors paraîtra l'impie. Et que le Seigneur Jésus détruira. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan. C'est-à-dire, Satan est en train de préparer le chemin, est en train de baliser le chemin pour que son maître, pour que ce monsieur-là arrive. Et on nous donne une information. On dit que se fera par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. mon épouse est en train de poser la question, effectivement, tout à l'heure, ça va, mais on a un souci. C'est que tu vas voir des gens dans les assemblées qui passent 24 heures de la journée en train de prier, qui disent recevoir des choses qui se font effectivement, des choses qui se manifestent concrètement. C'est-à-dire, quelqu'un te dit quelque chose, cela s'accomplit. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que le diable, on a toujours eu l'habitude, le frère Jean a souvent eu l'habitude, le diable ne vient jamais, et la Bible nous a donné l'information, le diable ne se présente jamais sous son visage véritable. Parce que s'il se présente sous son visage véritable, même celui qui ne croit même pas en Dieu ou même en Satan, va le rejeter, va le refouler. Donc, il vient avec une apparence de piété, il vient avec une apparence de lumière, produisant des signes, des miracles, des prodiges énormes, des prodiges extraordinaires. Tout à l'heure, le frère Joubert disait, s'il était capable de faire, de donner une vision au Seigneur, le Dieu véritable, mes amis, qui sommes-nous, nous, qui sommes-nous, pour qu'il ne nous trompe pas. Dernièrement, pour une petite anecdote, j'ai recevé les vœux, les meilleurs vœux, comme en 2018, je recevais les vœux. Donc, j'ai écrit un message pour dire, mes chers frères, je ne prenais pas ça en mal, mais moi, je ne participe pas à ce genre de choses. Donc, si vous n'entendez pas que je vous dis mes meilleurs vœux pour 2018, ne soyez pas fâchés, parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de fêter. Nous prenons quelque chose de satanique et nous essayons de le christianiser, de mettre l'enveloppe de Christ. Le Seigneur n'a même pas glorifié. Le Seigneur a déjà donné dans Jérémie 10 la marche à suivre. Il a déjà dit, ne vous comportez pas comme les coutumes des nations, parce qu'elles ne sont que vanité. Donc, voilà le point déjà dit, c'est pas important de sanctifier cette parole-là, que ça va faire quoi que ce soit. Donc, il y a une de mes connaissances qui m'écrit pour me dire, oh, nous les chrétiens, on est toujours en train de, je ne sais pas pourquoi, on met toujours Satan devant, on est toujours en train de voir Satan. Une fois qu'on est en Christ, on est en Christ, on l'a déjà défait et tout. Et ça, c'est un chrétien, soi-disant. Ça, c'est un chrétien, soi-disant. Chrétien qui dit qu'elle est en Christ, elle est en Christ, comme elle me disait. J'ai simplement dit que non, il n'y a pas de souci à fêter. À partir du moment où je le fais pour mon Dieu et tout ça, ça n'a pas de souci. J'ai seulement dit, il ne s'agit pas de dire que Satan, je ne vous parle pas de Satan. Et le Satan dont vous parlez là, je suis moi-même surpris que vous qui dites être les chrétiens d'aujourd'hui, vous dites être chrétien, mais vous êtes esclaves de Satan, plus que même ceux qui sont dans le monde. Comment vous expliquez ces choses-là? Vous pensez que c'est un petit joueur, hein? Vous ne le connaissez peut-être pas. On n'est pas en train de le glorifier, ou bien on n'est pas en train de faire sa publicité. On est simplement en train de relater des faits qui sont là. Ce sont des faits. C'est un séducteur du plus haut point. C'est l'incarnation de la séduction. Donc, si vous ne faites pas attention, vous êtes déjà dans ces filets. Donc, ce n'est pas question de le louer ou de le faire. Non, on ne le loue pas. Mais le monsieur est en train de travailler, il fait son travail propre. Et les gens sont en train de trembler proprement. Et donc, c'est ça la difficulté du temps actuel. C'est que comme il y a des miracles, comme il y a des signes, comme il y a des prodiges, les gens disent que non, ça ne peut pas, ça ne peut être que Dieu qui est derrière. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas la caractéristique, les caractères de Christ se manifester au quotidien. On ne voit pas ça. Et non, le vrai problème dans notre époque, c'est simplement qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et beaucoup sont dans cette situation-là. On a beau effectivement leur expliquer, leur montrer par A plus B que ce qui est en train de se passer là est dangereux, mais les hommes sont toujours en train d'endurcir leur cœur. Mais je suis dans le regard, je dis que si tu es destiné à ce que ton cœur soit endurci, ça va être endurci. Tu ne peux pas lutter contre ça. C'est une vérité qui fait très mal. C'est-à-dire, si un truc qui fait mal, c'est ça, de savoir que si tu n'es pas destiné à être désendurci par le Seigneur, tu vas être endurci et tu vas continuer à marcher dans les ténèbres simplement. Donc, voilà le vrai problème, c'est cette séduction-là qui semble être tellement vraie. Et de plus en plus, c'est comme si en plus on avance dans le temps, plus on a l'impression que le mal est en train de sophistiquer sa séduction. Et il sophistique sa séduction, c'est-à-dire il le manifeste dans de différentes manières, c'est-à-dire il ne va pas t'attaquer. Toi, par exemple, tu as déjà dépassé le exemple, la fornication. Mon ami, il ne va pas t'attaquer par la fornication. Il va aller voir quel est ton tafail. Ah, celui-là, peut-être c'est un panafricaniste, il veut voir comment est-ce que le monde sera changé. Il va t'attaquer au niveau de là. Te mettre des pensées au niveau que non, tu sais, il faut revenir au panafricanisme parce que le véritable Dieu, c'était le Dieu des Noirs, hein, c'est pas le Dieu des c'est pas le Dieu des Juifs dont on parle parce qu'on a été trompé. Et voilà comment subtilement quelqu'un va aller tomber dans ça, mais il est toujours aussi piégé. Tout autant piégé que celui qui était simplement dans sa fornication. Et donc, aujourd'hui, les pièges de Satan sont tellement diversifiés. C'est un monsieur qui a un service marketing de qualité. S'il faut faire marketing, c'est-à-dire il sait adapter son produit au consommateur. Donc, je tombe ici, je pense que c'est un consommateur. Voilà, je vais adapter mon produit à celui-ci. Donc, celui-ci, c'est comme ça, je vais adapter mon produit. J'adapte. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tombent dans le panneau et dans le piège. Et malheureusement... Et frère, je vais dire une chose. Je veux vraiment dire une chose. La vérité, hein, la vérité, si l'on est un peu honnête, la plupart, sinon la quasi-totalité des personnes qui aujourd'hui sont dans les assemblées, quand tu leur présentes la vérité, la stricte, la vérité, même s'ils te disent non, face à face, je te promets que lorsqu'ils sont couchés dans leur lit, seuls devant Dieu, ils savent que ce que tu as dit est vrai. Ils savent que ce qui est en eux est faux. D'où ma question, donc, justement, comment comprendre que malgré qu'ils réalisent cela, ils ne parviennent pas toujours à lâcher. Ouais, c'est la grâce du Seigneur, c'est le don. Si le Seigneur ne lui a pas donné, comment on peut faire? Malgré, c'est-à-dire, la vérité là, c'est que quand quelqu'un voit bien que la vérité est face à lui, dans son cœur, quand il ça, s'il il veut, parfois tu sais, ce qu'on faisait à l'époque, lorsque cette vérité là venait face à nous, on ne voulait pas réfléchir plus longtemps. C'est-à-dire, on effaçait ça rapidement de notre mémoire. On ne voulait pas entrer à l'intérieur parce qu'on avait peur de se confronter à ce qui s'y trouve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On évacue ça rapidement de notre esprit. On essaie de trouver une part. On dit, ah, c'est lui qui le fait, Junior, là, il est cool. C'est lui qui nous a annoncé ça. Regarde même d'abord comment il est. Est-ce que véritablement... Donc, on essaie de trouver une raison. Ah, c'est le frère Francis. Ah, d'abord, même, c'est un gars qui est bizarre, il est comme ça. Ah, c'est le frère Jobin. Regarde-le lui-même dans quelles conditions il vit là-bas. Lui, vient nous. Est-ce que ça fait la vérité? Et alors, les serviteurs de Satan, ayant compris cela, ont compris que les hommes étant frappés par ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques, ils vont se conformer. Donc, ils vont se mettre dans les conditions pour vous préparer à accepter le message en portant de beaux costumes, en étant bien habillés, en étant bien parfumés, en roulant dans de belles voitures, pour que leur message, qui est pourtant la séduction, le mensonge, semble être vrai par rapport à un frère qui est simplement là, qui vient avec ses babouches, qui est sale, qui n'a aucune condition, qui t'annonce pourtant la vérité. Donc, les gens vont maintenant se baser sur quoi? Sur ce qu'ils ont vu. Ah, celui-là, il me dit ça. Il allait être plus vrai par rapport à l'autre parce que sa condition physique me laisse croire qu'il est plus... il est mieux placé dans la société. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle par rapport. Surtout que si ils parlent, non seulement ils ont compris ça, ils ont commencé à adapter leur message en faisant des cours de comment transmettre le message, comment prêcher. C'est-à-dire, c'est devenu... Si tu vas dans... Je n'ai pas fait ces écoles théologiques, mais si tu demandes à ces pasteurs qui ont fait des écoles théologiques, il y a sûrement une matière dans laquelle on dit comment prêcher, comment... Là, oratoire, mais c'est... Là, oratoire, comment prêcher. Qui vient d'origine et autres. Comment donner le message, les gestes qu'il faut faire, et etc. Oh, toi qui viens... Qui a la parole au Seigneur, tu ne sais même pas comment dire bonjour, tu ne sais, tu mets le à la place du là. Non seulement tu n'as pas cette capacité oratoire, non seulement tu n'es pas bien habillé, non seulement tu n'as pas l'aspect donc physique qu'ils recherchent, ça fait que les gens, quand tu vas leur dire la vérité, ils vont chercher à confronter la vérité par rapport à ton aspect, à ton apparence. Ils vont dire que comme celui-là me raconte ça, d'abord il ne sait même pas, il a marché à pied. Et il ne sait même pas qu'est-ce qu'il semble même plus bégayer même quand il parle. Assurément, son message ne peut pas venir du vrai Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu qui parle bien. C'est un Dieu de ceci. Et alors, celui-là, qui est le séducteur, va, ayant compris ça, va donc prendre les aspects, les allures. Il a tout là, oratoire. Ils font des cours de marketing, ils font ces choses-là. Et quand ils viennent te parler, ils te parlent, c'est mielleux, c'est doux, c'est agréable. Mais c'est le poison qu'il est en train de te donner. Et quand c'est comme ça, tu dis, bon, je rejette plutôt la vérité qui m'est donnée, même si je peux ressentir comme au fond de mon cœur que ce qui est dit peut être vrai. Et j'accepte le mensonge parce que c'est ainsi. Oui, frère Francis, pendant que tu parles, quelque chose me revient. Il fut une fois, je partais à la radio et puis j'y allais avec mon épouse. Elle est entrée d'abord, elle s'est assise dans la salle pendant que je vais prêcher. Il y a des femmes qui étaient dans la radio, y compris la directrice de programme. Quand elles m'ont vu entrer, ne sachant pas que c'était ma femme qui était devant, elle est venue s'asseoir puisque je devais entrer en studio. Elle a commencé à tordre la bouche pour m'indiquer à l'une de ses copines qui était assise. Elle avait dit qu'elle regardait le pasteur là. Il dit qu'elle est là seulement pour déranger les gens, il dérange l'évangile des gens. Mais la chose qu'elle a dit, c'est on ne voit même pas la gloire de Dieu sur lui. Qu'est-ce que les chrétiens donc appellent donc la gloire de Dieu finalement? Qu'est-ce qu'eux, ils entendent par gloire de Dieu? Et quand il parlait, c'est pas que mon épouse était là. Quand je sors, elle me regarde bizarrement. Mais elle laisse la vérité, elle regarde mon aspect. Qu'est-ce qu'ils appellent gloire de Dieu? Ils disent qu'on ne voit pas la gloire de Dieu sur lui. De quoi est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut parler? Bon. Donc, je vais peut-être d'abord répondre. Non, parle, c'est toi qui étais dedans, c'est toi qui étais en plein dans le cœur, c'est toi qui as dit ça. Exactement. Voilà, et tu as touché un aspect très important quand tu as parlé de la révélation des fils, qui est un des plus gros mensonges du siècle, en disant que la création attend d'elle. Avec un Adam désir, la révélation des fils de Dieu, parlant de la gloire que le fils de Dieu va manifester. Lorsqu'on parle de gloire, on dit quelque chose qui frappe à l'œil. On avait donc ça, quelque chose qui illumine, qui éblouit. Et donc, dans la mentalité et dans la compréhension de la quasi-totalité des chrétiens de ces siècles, lorsqu'on parle de gloire, on parle de quelque chose qui frappe à l'œil visible, quelque chose qui doit t'éblouir. C'est-à-dire, on veut ressentir quelque chose qui t'éblouit. Et donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que tu es glorieux, c'est la gloire, c'est on va aller faire peut-être le parallèle avec le fait que les Esaïe et consorts ont vu la gloire de Dieu et sont tombés sur leur face comme voyant une grande lumière. Donc, pour eux, c'est cette grande lumière qu'on attend de voir. Donc, c'est cette brillance. Tu dois briller. Et donc, ah, merci Seigneur. C'est un piège tellement fort. Et donc, dans l'attente de cette gloire, de cette brillance extérieure-là, on y a donc mis le vêtir. Et c'est là où les femmes, les hommes, sont trompés, particulièrement les femmes, parce que les femmes, c'est quelque chose auquel elles sont attachés. Et donc, on leur a fait comprendre que il faut que tu sois glorieuse, c'est-à-dire que tu portes des habits qui sont glorieux. Il faut que tes cheveux soient glorieux. Et il faut donc que tu mettes des bijoux qui vont avec pour que ça brille. Regardons la subtilité du siècle. C'est pourquoi on comprend quand Dieu dit femme, les femmes veulent discuter pour discuter. Cette affaire de bijoux, d'apparence, de make-up et tout ça. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que la mauvaise compréhension de cette gloire qui est uniquement extérieure, qui fait que on dit que tu es glorieux par le fait que tu t'es maquillé, que tu as porté des bijoux, que tu as porté des habits extravagants, et qu'on dit que c'est ça la gloire, c'est-à-dire en te voyant comme ça, on voit la gloire de Dieu sur ta vie. Fait que notre Dieu aujourd'hui, que la véritable gloire selon le Seigneur, c'est un cœur qui le craignent véritablement. Les gens sont perdus, disent que vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. Alors que si nous comprenons simplement que la pensée du Seigneur est toujours en contradiction avec la pensée des hommes, donc c'est-à-dire la pensée de Satan. Donc ce que les hommes appellent gloire, ce n'est pas ce que les hommes, ce n'est pas ce que Dieu appelle gloire. La gloire de Dieu, je me rappelle à l'époque que je disais ça, que la gloire véritablement de Dieu, quand vous dites que Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. C'est une prière qu'on faisait bêtement. On sait ce que glorifier veut dire. Ça veut dire qu'on met Christ en avant. C'est-à-dire que Christ soit élevé. Si Christ est élevé, tu ne peux pas être élevé avec lui. Il faut que l'un de vous deux disparaisse. Parce que Christ ne peut pas être élevé et qu'en même temps, si toi, tu sois élevé, c'est-à-dire tu bosses, tu boostes ta poitrine et tu te montes en avant. Quand tu dis Seigneur, glorifie-moi, tu es en train de dire Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. En fait, tu es en train de dire Seigneur, écrase-moi, détruis la chair en moi, rabaisse-moi pour que toi, tu t'élèves. Parce que, comme je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il faut que nous décroissions pour que lui croisse. C'est Jean-Baptiste. Mmh. Oui, c'est Jean-Baptiste. Voilà, merci. Voilà, merci. Ça, c'est vraiment l'aide semblable. C'est Jean-Baptiste qui dit qu'il faut que je décroisse pour que lui croisse. Il faut donc que pour que Christ croisse en moi, il faut que moi je décroisse. Donc il faut que je sois rabaissé. Donc ça veut dire que c'est à toi que je dis Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, montre ta gloire dans ma vie. Tu es en train de dire Seigneur, écrase-moi, détruis en moi, détruis-moi, rabaisse-moi, tue en moi ce qui n'est pas de toi pour que tu puisses effectivement croire par ton. Pas ton caractère, pas ta manière de voir. Et c'est dans ça que lorsque le Seigneur va nous amener dans les épreuves pour nous détruire, pour que lui donc il croisse, on va dire que non, le Seigneur n'est plus bon. Alors que voilà la gloire que le Seigneur est en train de faire. Parce que sa véritable gloire, c'est la manifestation de sa nature, de son caractère au travers de nous, en nous, pour que ça se reflète à l'extérieur. C'est ça la véritable gloire. Donc la gloire n'a rien à voir avec le fait de porter des masques, de porter des habits brillants, parce que cette gloire-là, c'est une gloire qui est uniquement et purement humaine et qui est séductrice. C'est une gloire qui est séductrice, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour éblouir. Oh, et effectivement, même cette gloire-là, elle est tellement... qu'elle aveugle les gens, parce que quand c'est ça qui aveugle même les gens, qui font en sorte qu'ils ne voient plus la beauté de l'évangile, la beauté de la vérité. Parce qu'ils sont fixés sur la gloire extérieure et que leurs yeux donc, sont aveuglés par cette gloire extérieure-là. Effectivement, c'est ça la vérité. Donc, ça n'a rien à voir. La gloire du siècle présent n'a rien à voir avec la gloire véritable de Dieu. Et donc, il faut qu'on arrête de penser, de croire que c'est pas important. Ça me fait rire quand quelqu'un effectivement dit qu'on ne voit pas la gloire de Dieu briller sur lui. Ou simplement dit que ah, le frère ici n'est pas habillé comme la plupart des pasteurs qu'on connaît. Il vient peut-être en taxi. Il marche peut-être à pied pour venir. Or, les autres pasteurs, quand ils viennent ici, ils sont souvent bien sapés, bien parfumés, cheveux chaunés, etc. etc. C'est ça, voilà ce que eux, ils appellent gloire. Et cette gloire, c'est ce que le monde appelle gloire. Ce charisme extérieur qui consiste à voir la démarche élégante, la taille qu'il faut, la couleur de peau qu'il faut. Et c'est comme ça que les gens se laissent tromper. C'est comme ça que les gens se laissent tromper par les présidents de ce temps. Parce qu'effectivement, ils savent se mettre. Quand tu vois un Barack Obama, comment il arrive à séduire le grand nombre de personnes, c'est qu'il a un charisme extérieur, il sait s'habiller, il sait se mettre, il sait se voir, il sait bouger. Et c'est ça que les gens disent, ah, il est glorieux. Parce que, et dans la gloire, il faut voir aussi l'aspect d'avoir, comme Junior, tu viens, tu dis, je suis simplement le frère Junior. Non, les gens disent, mais ça, c'est qui ça qui dit? Il dit qu'il est le frère Junior, comment? Alors que quand les autres disent, je suis le révérend pasteur, docteur, prophète, apôtre des nations, tant. Lui, il me dit non, appelez-moi Junior. Donc, tout ça vient encore dire que mais le petit gars, c'est même vous fatigue. Donc, avec ça, les gens vont mettre le nom. Les titres viennent encore aussi te glorifier, comme notre ami de tout à l'heure. Donc, ce titre-là, comme il porte sa général de Dieu, donc ça frappe. Quand on voit on pense tout de suite à un général de l'armée. On sait que c'est quelqu'un, quand tu portes leur tenue d'apparat là, on voit de quelqu'un de prestigieux, de la prestance. Quelqu'un qui est un peu costaud. Donc, en plus de ça, non seulement le titre vient encore faire éblouir l'aspect physique, parce qu'il faut qu'au titre, tu puisses y mettre l'apparence extérieure qui va avec. Et donc, les gens sont attirés par ça. Les gens sont plus attirés par ces choses-là que la véritable gloire. Et c'est comme ça que qui se trompe. Donc ça n'a rien à voir, cette gloire n'a rien à voir avec la gloire véritable du Seigneur. Voilà, tu dois te souvenir, quand les gens sont dans la religion, on dit qu'il y a toujours plus de femmes qui tombent, mais c'est toujours plus de femmes qui sont là-bas. Et comme il y a les femmes parmi nous, j'aimerais bien qu'elles nous expliquent pourquoi, donc, malgré toutes ces choses-là, les femmes sont toujours là. La sœur Anna, comment expliquer cet engouement, ce dévouement des femmes là-bas? Des femmes qui sont de tout leur cœur. On voit vraiment comment des femmes sont tellement sérieuses. D'autres sont même abusées par ces pasteurs, mais elles continuent quand même à y aller. D'autres sont maltraitées, insultées, dénigrées, humiliées, à tue-tête, enfin, au vu et au su de tous. Et on voit toutes ces choses-là, des choses inhumaines qui s'y passent, même le manque d'amour, le manque de pardon, ce que vous appelez le Congo, ça, des coups bas qui se font là-bas, mais jusque-là, vous y êtes. Enfin, la grande majorité des personnes, y compris les femmes particulièrement. Comment expliquer cela, ma chère sœur? La femme de nature est assez forte, c'est tout. La femme, la Bible le dit. La Bible dit que nous, les femmes, vraiment, la séduction nous prend très vite. En fait, on est même d'abord né dedans. Tu vois, c'est-à-dire que notre nature pécheresse est déjà naturellement liée à la séduction. Je parle de la séduction physique. C'est-à-dire cette attraction. La femme, naturellement, aime attirer, aime séduire. Toutes les femmes, si on est honnête, vraiment, devant le Seigneur, si on fait une introspection de nos personnes, on va voir que il y a ce truc en nous. Vraiment, c'est le Seigneur qui œuvre et qui travaille, qui extirpe ça. C'est-à-dire qu'on aime attirer, elle n'a pas que tu peux confirmer, on aime séduire. Beaucoup vont dire que non, c'est faux, non. La sœur confirme. La sœur Lida confirme, tu confirmes. Non, c'est vrai. Je confirme. Il y a toujours cette. Mais oui, des femmes, quand une femme marche en route, tu vas attirer des regards sur toi. Donc, en fait, la séduction est vraiment liée. Ça, il faut le reconnaître à la femme. Et c'est quand le Seigneur commence à nous ouvrir les yeux. Qui nous détache progressivement en fait de cet esprit-là, qui je ne sais pas anime les femmes depuis longtemps. Moi, je vais pas me tirer devant là. Je pense que c'est ça. La femme est naturellement séductive. Donc c'est pour ça qu'on tombe toujours facilement dans le panneau, dans plusieurs circonstances. Au point où il y a d'autres qui partent, même on leur demande d'apporter les millions d'or pour être délivré, des bâtons de manioc pour être délivré. Des fois, je leur dis souvent, Satan les hommes. Satan les femmes. Satan aime beaucoup les femmes, n'est-ce pas, frère Jobin? Si vous le voulez bien, comme le frère a lu la Bible là, dans le livre de Thessaloniciens chapitre 2, parcourons quelques versets qui vont nous permettre de mettre les jalons encore avant d'avancer. Et je vais projeter d'autres vidéos, nous allons confirmer. Nous allons voir. Prenons le livre de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Les versets 1 à 5. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 5 ou 1 à 4, comme ça. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Oui, c'est pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre effectivement les notions bibliques de toutes ces choses-là maintenant. Et on va y développer. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, un que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge, je m'en ai donné du monde. Je peux m'arrêter peut-être là. Voilà. Verset 14 maintenant, verset 22. 14, verset 22. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insensibles de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se seront égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils n'ont commis la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retiré des sous du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière position est pire que la première. Continue. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Péché retourné à ce qu'il avait voulu et la pluie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Quel commentaire fais-tu, frère Francis, avec ces caractéristiques des gens qu'on décrit ici à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui? Le commentaire, c'est-à-dire, avec peut-être verset, on comprend que Jésus, la parole du Seigneur est vraie. Avec de tels versets, c'est-à-dire, l'accomplissement de ce verset-ci est visible dans notre siècle, dans notre temps actuel. On voit effectivement ces choses se passer au milieu de nous. On voit comment les hommes de Dieu que nous sommes, ces hommes de Dieu-là utilisaient la ruse pour tromper les gens. Ils leur promettent effectivement le bonheur. Ils leur promettent des choses intéressantes. Alors que eux-mêmes, si c'était si facile, parce que je veux prendre, prenons des exemples bien précis. Aujourd'hui, on entend très souvent, par exemple, dire que j'ai reçu l'onction pour faire des gens des milliardaires ou bien des millionnaires. J'ai reçu la grâce pour vous rendre riche. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que vous-même qui dites que vous avez reçu la grâce pour faire les gens riches, pourquoi est-ce que ça ne commence pas d'abord par vous-même? Au point où les gens sont obligés de créer des manières pour pouvoir soutirer l'argent dans les poches des autres. Pourquoi est-ce que le Dieu dont vous priez n'est-il pas capable vous-même? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aiment dire? Ils aiment dire que ça doit d'abord commencer par la tête pour couler sur le reste du corps, se mettant eux-mêmes comme étant la tête. Donc, puisqu'ils veulent aller sur cette base-là, puisque ça doit donc commencer par la tête, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que eux-mêmes, depuis qu'ils disaient qu'ils vont être milliardaires, depuis qu'on est en train de dire qu'on va régner dans ce monde, est-ce que ça peut dépasser le Seigneur, maître de l'univers, de rendre un de ses enfants l'homme le plus riche de la terre? Le fait est que aujourd'hui, les hommes qui sont les plus riches de la terre, ce sont des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est bizarre. Et ça dit depuis des années. Posons-nous un peu des questions. Pourquoi est-ce que puisque un de ces hommes-là avait dit un jour dans sa prédication, en prenant le livre de Luc, disant que se référant à Esaïe, que l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, sûrement, il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour délivrer les pauvres, etc. Quelqu'un avait dit que la première mission que le Seigneur Jésus-Christ était venu faire sur la terre, c'était d'abord de nous prendre riches. C'était la première mission. Il avait dit que c'est sa première mission. Alors, je lui ai posé la question de savoir, mais depuis là, comment ça veut dire que le Seigneur lui-même a d'abord échoué pour lui-même. Il a échoué pour ses premiers apôtres. Parce qu'aucun d'entre eux, il est manifeste qu'aucun d'entre eux n'était riche. Pierre, qui était le capitaine, a même vu un nécessité. Il a dit qu'il n'a même pas 5 francs pour lui donner. Il n'a même pas 5 francs pour donner à un nécessité. Je n'ai rien à te donner. Parce que je te donne le nom du Seigneur. Donc, ça veut dire que Jésus a clairement échoué à sa mission. Parce qu'il n'a pas pu rendre ces gens-là riches. Mais quand il a dit dans sa prédication, les gens ont dit Amen, n'est-ce pas? Les gens ont dit Amen. Les gens ont écrit en bas, Amen, Amen, Amen, Amen, homme de Dieu, sois béni. Donc, voilà des gens qui eux-mêmes, comme la Bible dit, eux-mêmes ne sont pas délivrés de ces choses-là, mais ils veulent délivrer. Est-ce que là, on ne se retrouve pas dans la parole générale qui dit que ce sont des aveugles qui mènent d'autres aveugles vers le trou? On se retrouve bien là. Et c'est ça, effectivement, regardons. Merci Seigneur. Ils sont arrogants. Ils sont audacieux dans leur manière de faire. Ils sont audacieux, arrogants. Et c'est effectivement ça qu'on voit. La caractéristique majeure qui ressort souvent d'eux, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est le mépris. Chacun a la plupart du temps. Je parle des choses que j'ai vécues. Je me rappelle, lorsque j'étais dans cette nomination en pasteur, on avait un rituel qu'on faisait souvent. Celui qui devait, comme on avait une salle et à côté il y avait un bureau, celui qui devait prêcher ne participait pas au temps de. Il ne devait pas participer au temps de louange et tout. Il restait dans le bureau du temps pour se consacrer, pour prier. Et souvent, on arrivait un peu en retard. On se mettait dans ce bureau-là. Lorsque l'heure de la prédication devait arriver, les hoches, comment on les appelle? Les hoches, les protocoles. Ouais, les gens du protocole venaient nous chercher dans le bureau, portaient notre Bible et nous marchaient devant nous. Et comme la place des pasteurs était toujours devant, donc on arrivait là en plein moment, là où les gens avaient les mains levées vers le ciel, on entrait là comme si c'était le Messie, comme si on était le Messie. L'on ne voyait pas cette image-là. Pour nous, c'était anodin, c'était pas quelque chose. Mais si on ne comprend pas, il va plus expliquer derrière, on va se dire que non, c'est anodin. Donc on arrive au moment où les hommes sont en train de lever les mains au ciel, comme si c'était nous qu'ils attendaient pour être délivrés. Donc nous étions le Messie à la place du Messie. Donc on portait notre Bible, on marchait devant nous, on venait, homme de Dieu, assois-toi à la première place. Donc on s'assoit là, on fait comme si on est trop concentré, qu'on est en train de prier le Seigneur avant de monter sur la scène. Mais frère pour, Francis, tu dénonces tes anciens collègues comme ça, ils vont te créer des problèmes. Mon frère, je suis. On dit que la poule grillée n'a plus peur du court-circuit. Donc, je suis déjà grillé. Donc, non seulement on finit une bonne fois. Donc, non, c'est simplement pour dire que je ne crains pas ces choses-là. Quand tu étais délivré, si d'autres peuvent être en délivré, tant mieux. Notre pas ne sert à rien, notre personne ne sert à rien. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. Donc, voilà comment ces choses, par exemple, se passaient. Et cela, on disait qu'on le faisait, comme je disais, on disait qu'on le faisait anodinement. Mais en vérité, dans notre cœur, il y avait de cet orgueil, il y avait cette envie de se faire passer. Ça développe la pensée en croyant en toi-même que tu es différent des autres. Exactement. C'est-à-dire, comme on disait, que tu es l'homme de la situation. Tu es l'homme par qui le Seigneur va agir. Jusqu'au jour où, effectivement, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer que vous agissez là comme les acteurs ou bien comme les stars de ce monde. Les stars de ce monde. Vous agissez exactement comme ils font. En fait, votre réunion là, votre réunion qui se passe tous les dimanches là, en fait, ce n'est qu'un concert. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est un show dont vous êtes les acteurs principaux. Et moi, je ne suis pas glorifié à l'intérieur. Vous pouvez parler de mon nom, vous pouvez dire que c'est moi qui suis glorifié, mais en fait, c'est vous. En fait, hein, le culte du dimanche, là, le personnage central du culte du dimanche, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Majeur. N'en parlons pas encore si le pasteur régional ou bien le pasteur international est venu, alors le spectacle est encore davantage terrible. Là, le spectacle est à son comble. C'est-à-dire, si, quand le pasteur, par exemple, qui est là, qui gère juste la dénomination de la ville, quand il est souvent là, les cultes du dimanche sont un peu vides. Quand on attend que le général Ovasia arrive, subitement, la salle est pleine à craquer. Donc, montrant en fait, ceux qui règnent sur cette dénomination-là, ce sont des hommes. Ce n'est pas Dieu qui règne. Et on voit effectivement l'arrogance qui est développée. On voit l'orgueil. Et c'est comme ça que l'orgueil se développe. Subtilement, c'est comme ça que l'orgueil se développe dans ton cœur. Tu commences à te sentir indispensable. Tu commences à sentir que sans toi, rien ne peut se faire. Et tu commences facilement comme ça, un esprit de contrôle commence à entrer dans toi. Tu veux maintenant tout contrôler. Tu vas commencer à contrôler la vie des gens, contrôler la vie de chaque chose. Tu vas être celui à qui on doit rendre tous les comptes. Sans quoi, rien ne se fait. En clair, tu es Dieu dans ton petit monde, ou bien le roi dans ton petit royaume. En clair et clairement, tu es Dieu. Puisqu'il est clairement dit que c'est le père, les termes par exemple qu'on utilisait, c'est le père de la maison. C'est par lui que Dieu passe pour nous bénir. Si Dieu ne le bénit pas, nous ne pouvons pas être bénis. La bouche donc, autorisée de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu. Il faut lui être obéissant. Il faut lui être soumis. Et les enseignements tournaient autour de ça. Les enseignements faisaient qu'on amenait les gens à adorer, à idolâtrer même dans leur cœur. Je pose la question, mon frère. Est-ce que vous qui étiez des enseignants, et vous-même, est-ce que vous étiez au courant? Comment vous avez fait pour recevoir ce genre de notions-là afin d'inculquer? Parce que là, nous parlons... Là, dans la tranche, vous inculquez ces gens. Comment vous avez fait pour recevoir toute cette façon de faire? Comment c'est venu à vous directement, vous les dirigeants? Déjà, il faut constater, là où on comprend que le système qui est mis en place est très sophistiqué. C'est un système qui est déjà mis en place. C'est-à-dire que lorsqu'on va te... Je vais vraiment prendre mon cas. Vraiment mon cas pour expliquer. Ça va être un témoignage clair. Le frère presse, bonne arrivée, coupe ton micro. Tu nous entends? Je coupe ton micro. Oui, coupe ton micro d'abord. Coupe ton micro, tu restes vraiment calme, parce qu'on est en plein là-dedans. Coupe ton micro. Voilà, merci, c'est bon. Le frère Francis, allons-y. Je vais faire un peu rapidement le témoignage qui est le mien. Dans les années 2005, j'ai commencé à ressentir dans mon cœur le besoin. Je ressentais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui n'allait pas. Alors que à cette période-là, je n'étais pas malade, je n'avais pas de soucis d'ordre financier. Je vivais bien ma vie. J'étais en fin d'études ici au Maroc. J'avais la vie de tout jeune. Je menais la vie de tout jeune sans problème. Jusqu'au moment où mon cœur a commencé à se sentir très lourd. Je ne me sentais plus bien avec la vie que je menais. Comme ça, hein, ça a commencé comme ça. Je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ça a commencé comme ça. Et j'ai compris et j'ai commencé à dire non, c'est peut-être sûrement parce que je ne crains pas Dieu que je me trouve dans cette situation-là. Et donc, j'ai décidé de couper toutes mes relations. J'avais la petite amie de l'époque. J'ai coupé la relation avec elle et j'ai commencé à dire qu'il faut que je me consacre au Seigneur. Et donc, naturellement, n'ayant pas eu la lumière à cette période-là, il y avait une église réveillée ici, là, qu'on appelait l'église réveillée au Maroc. Et je me suis retrouvé là-bas naturellement parce que je ne voulais plus aller chez les catholiques où je partais par le passé parce que pour moi, c'était une église morte. Je ne voulais pas aller chez les protestants classiques aussi. Parce que c'était mort. Donc, je suis allé d'une église chaude qui vit, entre guillemets, vivant. Et donc, je suis allé là-bas et de fil en aiguille, je, entre guillemets, je grandissais. On nous apprenait que la première des choses qu'on fait quand tu arrives, on va prendre ton numéro, on va te faire rencontrer l'homme de Dieu qui était le pasteur principal à l'époque, pour que tu discutes un peu avec lui, il le prenne connaissance de qui tu es, de ce que tu fais, etc. etc. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact, attache avec le pasteur principal à l'époque. Ça a commencé avec les enseignements sur le baptême. On a quasiment fait combien de temps avant de nous baptiser, je crois, une année de cours qu'on a fait pour qu'on soit baptisé, ou quelques temps de cours, je ne me rappelle plus bien, on faisait des cours. Et pendant ce temps-là, il invitait souvent des hommes de Dieu à l'extérieur qui venaient donc nous enseigner le respect, nous enseigner sur des choses bien précises, le respect de l'homme de Dieu, le respect de l'autorité, le fait qu'il faut savoir se sacrifier pour l'homme de Dieu. Et dans ces choses-là, on commençait à créer déjà en moi, qui n'était même pas encore à cette période-là, dans le conseil pastoral, ont créé en moi donc un certain respect, une certaine crainte de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on a avancé. Et une autre, donc, il y a un d'entre eux, un de ces hommes de Dieu, qui était venu de la Côte d'Ivoire à l'époque, qui était venu faire un séminaire. Et donc, pendant le séminaire, il va faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, des appels de fonds, que si tu crois, je veux 10 personnes qui vont cotiser 500 dirhams, je veux 100 personnes qui vont cotiser 100 dirhams, je veux tant de nombre de personnes qui vont cotiser 50 dirhams, etc. etc. Et moi, on avait vu mon implication au sein de cette assemblée, et on avait commencé à me coopter, c'est-à-dire je faisais partie d'un groupe, des différents groupes qui existaient. Et donc, lors d'une réunion des différents serviteurs, le méchant en question va dire, il va commencer à montrer. Tu vois la montre que je porte, c'est une montre Gucci. Tu vois mon costume, c'est le costume, c'est Prada. Tu vois ma chaussure, c'est la chaussure, ceci. Il va dire, regardez votre pasteur ici. Regardez comment il est. Regardez même son portable. Il n'a pas un portable. Allez, je veux qu'ici, là, vous commencez à sortir tout l'argent. On va lui acheter un portable. Les derniers 100 dirhams que j'avais. Il parlait avec une telle autorité que les gens étaient tellement menacés, les gens sont sentis menacés que chacun sorti en quelques minutes, alors que quand on venait là-bas, tout le monde criait la pauvreté. En 5 minutes, on a sorti 1100 dirhams. 1100 dirhams sont sortis, donc l'équivalent d'à peu près 66 000 francs cette fois, sont sortis. On a acheté le portable de notre pasteur principal. Et donc, c'est comme ça qu'on lui a acheté son portable. Et ce qui est terrible, c'est que le pasteur principal n'a pas acquiescé. Frère Francis, avant que tu ne conduises, s'il te plaît, il veut poser la question. Lui, ce pasteur dont il était question était là, assis devant vous. Il était assis devant nous. Et quand, quelle était sa réaction vis-à-vis quand celui-là a fait comme ça? Non seulement il n'était pas seulement assis devant nous, c'était dans sa maison, dans son salon, que ça s'est passé. Et sa réaction, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il n'a pas dit, ah non, je n'ai pas besoin de portable. Puisque le portable a pas été acheté et il a utilisé. Et ce qui était terrible, c'est que derrière, le problème, c'est là où on voit qu'il y a une hypocrisie. Derrière ça, quand ça se faisait, il venait nous dire non, il n'aime pas trop les choses comme ça, il est gêné par les choses comme ça. Mais il a quand même pris la chose. Bien que derrière, il disait que ça ne lui plaisait pas, mais devant nous, il a quand même pris la chose. Alors quand normalement, il devait, devant ce monsieur-là, dire que non, il ne faut pas fustiger les gens comme ça, il faut arrêter cela. Exactement. Mais nous, à l'époque-là, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, je disais, ah non, c'est pour l'homme de Dieu. Non, quand même, c'est l'homme de Dieu, il faut effectivement, même si je dois marcher à pied, le jour-là, j'ai marché à pied pour rentrer chez moi, alors que je n'assais pas la tête par rapport à ça. Et donc, voilà comment les enseignants qui venaient de l'extérieur nous inculquaient déjà un respect pour l'homme de Dieu. Et effectivement, le temps évoluant, vous avez adopté ça naturellement. Naturellement, on enseignait dessus, que ce soit le pasteur principal ou bien les autres intervenants qui venaient de l'extérieur. Parce qu'il faut quand même dire que bon, le pasteur principal de cette assemblée-là n'était pas quelqu'un, on va dire, qui était très porté dessus, c'est-à-dire qui en parlait de manière naturelle, c'est-à-dire simplement comme ça, comme un candidat de l'or peut parler clairement sans se cacher. Lui, il disait ne pas trop aimer parler de ça, mais il en parlait subtilement, il en parlait très subtilement. Et toutes les personnes qui venaient dans l'assemblée, ses collègues extérieurs, nous enseignaient toujours les choses sur le respect de l'homme de Dieu. Il faut payer sa dîme, il faut faire un certain nombre de choses pour la maison du Seigneur, etc. etc. Et donc ces choses ont été naturellement implémentées en nous. Ce qui fait que lorsqu'au moment où je suis donc, j'ai évolué parce qu'on voyait en moi quelqu'un qui savait bien parler, quelqu'un qui savait bien prêcher, et on voyait entre guillemets donc une certaine aisance, une certaine lumière, un certain charisme, et que j'ai après quelques temps, je me suis retrouvé ancien et puis après pasteur consacré. Ces choses étaient déjà inscrites dans nos cœurs. Ces choses étaient déjà inscrites. Et en plus encore, à cette période-là, les hommes de Dieu que je suivais, il y avait les Miles Monroe, ces personnes-là, c'était eux mes tenants. C'est-à-dire, quand je regardais, si je me disais que si je vais être un homme de Dieu, voici mon modèle. C'est un homme de Dieu comme ça que je veux. Parce que le modèle était déjà incrusté dans ton esprit passé. Personne. Exactement, c'était vraiment le modèle, c'était mis mon modèle, c'était bien inscrit à moi. Donc, non seulement que, naturellement, dans l'assemblée où j'étais, il y avait déjà ça qui était là, mais en plus, encore à l'extérieur, je recevais ces influences-là. Ce qui fait que, après, il était plus facile maintenant pour moi de pouvoir manifester les choses que j'avais acquises, que j'avais accumulées tout au long de mon parcours. Donc, ce qui fait que naturellement, ces choses-là sont inscrites. C'est-à-dire, on vous les martèle. Plus on vous les martèle, plus on te répète quelque chose, plus ça reste inscrit dans ton cœur. Ça reste inscrit dans ta mémoire. Et ça influence ton action. Ça influence tes paroles. Ça influence ta manière de faire. Donc, c'est comme ça que ces choses-là ont été inscrites en nous. Tout était fait pour que ça ainsi. Déjà, il y a d'abord dans l'Assemblée, il y a une vision que nous devons suivre, la vision qui est déclinée en trois points majeurs. Chaque année, quand on commençait une nouvelle année, pour la nouvelle année, il y avait une orientation que le Seigneur avait donnée, que nous devions suivre. Donc, tout était déjà préparé, les choses étaient déjà clairement préparées pour que nous continuons. Tout était déjà cadré. C'est-à-dire, on avait déjà cadré les choses de telle sorte que tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas aller au-delà du cadre. Vous commencez une année, on dit que cette année, l'orientation que le Seigneur a donnée, c'est oser. Oser, ou bien, nous sommes des rois. Esprit de reconnaissance, d'obéissance, de ceci, de cela. Donc, tout était déjà cadré. Vous devez prêcher sur ce qui est déjà. C'est-à-dire, les thèmes, avant, on commence cette année comme ça, les thèmes, les sujets de prédication sont déjà définis. Je crois que le frère Méchi brûle. La frère Méchi, tu as une question, qu'est-ce que tu réagis là? Non, je voulais juste appuyer ce que le frère Francis est en train de parler. C'est la même chose ici, c'était, ils ont proclamé une année uniquement les prédications tournant autour de la restauration. Et c'est allé même jusqu'à 2 ans. Je pense que c'est le frère Jeben qui en connaît plus sur ce thème-là, la restauration. Je pense même jusqu'à l'année dernière, il ne parlait que soit disons, de la restauration. Ça, c'est à Tanger, ça. Oui, ça, c'est à Tanger, son église évangélique de Tanger. Et à un moment, avant que je ne quitte là-bas, je me demandais, mais c'est quoi en fait cette restauration dont il continue à parler toujours? C'est quoi la restauration en fait? Restaurer quoi? On ne peut que restaurer ce qui a été, je ne sais pas, détruit. Qu'est-ce que vous voulez restaurer en fait? Le message, en tout cas, je ne comprenais rien. On a 2 ans. C'est qui a 2 ans sur le même thème. Pas de témoignage. Le pasteur, quand le pasteur essaye de monter sur les trucs, là, comment ils appellent ça, la chair. Dès qu'il commence à parler, moi j'avais toujours sommeil, franchement. Ça, je vous le dis la vérité, je dormais tout le temps quand il commençait à parler. Quand il finit de prêcher, moi le sommeil quitte. Passons la parole au frère Francis qui continue son développement. Oui, mon frère Francis. Et donc là, voilà. Les images que tu étais influencé et tout autour de toi, et avec ceux qu'on l'influence, ce qu'il était présenté jadis comme les grands hommes de Dieu qui étaient influents. Tu avais dans l'image calquée. Exactement, dans l'image, je l'ai calquée en plan. Ah, oui. C'est Linda, toi aussi, tu as mes modèles de Dieu, mais allons-y. Je voulais dire que nous, on nous met tellement à la cuisine à préparer les beignets que quand on part à l'église le lendemain, on est fatigué, on dort toute la journée. Mais qui vous met à la cuisine? Ah, mais le pasteur, non, le refreshment. On appelle ça refreshment. Raconte-nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça me dit nuit là. Oui. Chaque samedi nuit, là, il faut faire. À 31, alors c'est grave. Il faut faire les beignets pour 100 personnes. Il faut faire le poulet. Il faut faire les gâteaux et tout ça. Parce que le matin, quand ils vont venir, les gens vont venir. On va leur donner un peu de jus avec les gâteaux. Et puis à la sortie aussi. Maintenant qu'il fait déjà le refresh, mais alors, non, on dort seulement les gars, on vient seulement dormir. Courage, d'accord, commencer. Et le 31, ça se passe comment? Explique le 31, parce que tu as mentionné le 31 particulièrement. Le passage, comment vous appelez ça, traverser? Je m'en parce qu'on m'a même demandé, bon, je n'étais pas membre, mais ma coordinateur. Oui, le 31, alors, c'est la nuit de la traversée. Vous traversez, et pour, puis... aller, vous traversez pour aller où? Pour aller dans la nouvelle année, non, frère. Non, en fait, ce jour-là, tu es déjà tellement épuisé parce que tu as fait et les croquettes et le pop-corn et tout, les beignets, le poulet, tout. Maintenant, il faut que tu ailles à minuit. Mais ici, il y avait un regroupement chrétien dont il fallait, et eux, ils suivaient un pasteur du Nigeria, pasteur Christ. Ils disaient que non, comme ça ne sera pas encore minuit au Nigeria, nous, notre traversée, c'est à 1h du matin. Et là, vous suivez le culte en direct, en différé par rapport qui est diffusé à partir de Kidja au Nigeria, à Lagos. Bon, moi, je n'étais pas membre de cette dénomination particulièrement, mais ce jour-là, on a dit que non, le pasteur qui sera au, en grand, qui va dire, je crois la dernière fois que j'ai assisté, c'était le pasteur du Nigeria, pasteur Chris. Donc, si c'est minuit au Nigeria, on attend. Mais si tu as un problème à l'église, si tu as besoin d'une aide, on te demande que... Attends d'abord, on va aller demander au pasteur Chris. Oui. Donc, ça, une heure. Mais toi, tu es déjà fatigué, même. Tu passes seulement pour dormir. Moi, quand je partais là, je me couche bien, je dors. Pépé, les gens traversent, toi, tu traverses avec le sommeil. Parce qu'on dit que tu as les bénédictions, parce que tu as préparé, non. Tu as préparé, mais tu es fatigué. C'est terrible. Et voilà la triste réalité, frère Francis. C'est également l'aspect, là, vous aviez aussi ça dans votre dénomination, frère Francis. Oui, ça c'est quelque chose qui ne peut pas manquer, c'est-à-dire la nuit de la traversée, c'était quelque chose qui se faisait naturellement, puisque le 1er janvier, on devait officiellement, bien entre le 31 et le 1er, on devait officiellement annoncer quelle serait la direction du Seigneur pour notre assemblée. Donc c'était un moment phare de nos rencontres. Oui, on va venir dans la deuxième partie, on va venir sur cet aspect-là des différentes paroles de la nef donnée par le Seigneur. Le frère Prince lève la main là depuis. J'espère que là où tu te trouves, c'est pas dans la gare de Rabat ou n'importe où il y a des bruits. Prends la parole, mon cher frère. Là c'est bon, vous m'entendez? Oui, mais il y a quand même des bruits en fond sonore. Vas-y, parle, mon frère, on t'entend. Ah. Donc, frère Junior, concernant les nuits de traversée là, c'est très dangereux parce que les fidèles sont ignorants, mais le soi-disant pasteur, lui, il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Parce que pour les fidèles, il annonce que c'est une nuit de traversée, une nuit de gloire, ou bien l'année de bonheur ou de ceci. C'est par rapport à l'alliance qu'il a tissée avec cette entité. Parce que lui, il tisse une alliance avec une entité par rapport au mois et à une période bien définie. Et maintenant, c'est ce que lui, il demande à l'entité, que l'entité doit lui donner pour faire, c'est ce qu'il communique à ses fidèles de manière codée. Donc, il tisse une alliance avec une entité, il demande à cette entité que non, pour cette nouvelle année, voici tel sacrifice que je vais faire, voilà ce que tu es censé me donner. Alors, quand il vient maintenant au niveau de l'église, il transforme ça en autre chose. Il dit des paroles qui vont faire plaire aux fidèles, que non, c'est une traversée de bonheur, ça sera une année maintenant de victoire, il faut semer. Mais la semence que les fidèles donnent, lui, c'est ce qu'il est parti donner à l'entité qu'il a eu l'alliance. Parce que l'alliance, cette entité aussi doit se nourrir, cette entité aussi doit respecter le contrat. Donc c'est très dangereux. Les fidèles chantent, ils sont en train de louer en croyant qu'ils sont en train de faire ça à l'Éternel, mais ils sont en train de remercier l'entité qui est utilisée par le pasteur. Et c'est ça qui est très dangereux, très très dangereux. Dans l'ignorance, les fidèles vont chanter que non, Dieu de gloire, merci pour nous avoir fait traverser cette année. Mais le pasteur, il est conscient que ce n'est pas le Dieu de gloire là. Il remercie si c'est une sirène, il remercie la sirène qui est en train de manifester, qui utilise ce pasteur-là pour ses souillures et ses corruptions. Et c'est pourquoi ce sont des esprits qui sont lâchés pour ces nouvelles années, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils reçoivent. Et beaucoup, on les impose les mains, beaucoup, on les dit que non, recevez la bénédiction. Non, c'est pas, vous recevez des esprits impurs, des esprits vraiment qui ont été libérés dans les lieux obscurs. C'est ce que les fidèles reçoivent. de ce que les fidèles reçoivent et ils sont dans l'ignorance. C'est très dangereux, très dangereux. Lui-même, il est conscient de ce qu'il est en train de faire en disant que non, lui, il l'a traversé. Mais il sait ce qu'il est en train de traverser spirituellement. Peut-être qu'il est en train de changer de grade. Peut-être qu'il a fait des sacrifices en lui mettant de lui donner un nouveau poste là-bas. Et les fidèles ne comprennent pas ça. Mais il y a des personnes aussi qui sont remplies de ces entités, qui savent ça au niveau de l'Église, mais qui continuent à maintenir les gens dans cet esclavage. Et ça, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Donc, quand les gens font les semences et les appels de fonds, ces appels de fonds, ce n'est pas à l'Éternel. Ces appels de fonds, c'est pour payer les trucs qu'on les recommande, comme chez les féticheurs, pour honorer cette sirène-là. C'est ça qui est dangereux. Donc, si ton argent est parti contribuer dans ce genre de choses, donc c'est comme si tu tissais une alliance avec un féticheur, avec une entité à distance, et c'est très, très dangereux. C'est très, très, très dangereux. C'est là où mettons les gens en réellement besoin de délivrance. Si les personnes savent qu'ils ont donné de l'argent à ce genre de choses, ils ont besoin d'une réelle délivrance, de ne pas avancer dans l'hypocrisie. Ce n'est pas le fait de quitter l'assemblée qui fait de telle sorte que tu sois délivré. Non, il y a eu des semences que tu as eu à mettre, il y a eu des alliances que tu as eu à tisser, il y a eu des paroles que tu as eues. Parce que qu'est-ce que les fidèles disent? Ils disent que non, nous recevons, mais si tu as donné un accord. Ils disent, nous recevons. Donc, tu as donné un accord que cette entité va te procéder. Et si tu sors de cette église, même si tu n'es plus de cette église, l'entité attaque l'esprit et le cœur. L'entité attaque l'esprit et le cœur. C'est pourquoi beaucoup de personnes, en quittant cette église, ils ont encore de la nostalgie de repartir. C'est pourquoi ils disent encore que, et pourtant, j'ai quitté cette église, mais je n'avance pas dans la vie. Je comprends que, malgré que j'ai quitté cette église, vraiment, ma relation avec le Seigneur, vraiment, ça va de pire en pire, où il n'y a aucun changement. Et c'est pourquoi que beaucoup de personnes vont chercher encore d'autres pasteurs, d'autres docteurs, d'autres personnes pour pouvoir les aider. Mais si tu ne fais pas une vraie confession, si tu n'es pas honnête, ce même truc de nuit de gloire là que tu es parti traverser alors que tu es parti dans un camp adverse, tu es parti dans un camp adverse. Beaucoup de ces personnes-là, beaucoup de ces pasteurs-là, ils enferment des fidèles dans des bouteilles, ils enferment des fidèles dans des cadenas. Ils ont tellement d'articles pour bloquer les fidèles. Et beaucoup de ces personnes-là ont du mal à quitter cette église parce qu'ils disent quoi? Que non, cette année, c'est une année de gloire pour nous. Et voilà, un tel a eu le travail, un tel s'est marié, un tel a eu les enfants. C'est pas à ça que non, on reconnaît que non, que vraiment l'Éternel est là. Et c'est ça qui est très dangereux, frère Junior. Donc vraiment pour les frères et sœurs qui ont contribué à ces choses-là, ils ont besoin d'une réelle délivrance. Ça ne suffit pas de quitter le monde de cet endroit, mais ils ont besoin d'une réelle délivrance. Parce que tu ne sais pas où est parti ton argent. Tu ne sais pas où est parti ton argent. Tu ne sais pas où est parti ton argent. Parce que l'argent, c'est le sang. Parce que ce que tu as gagné à la sueur de ton front, c'est ton sang. L'argent, c'est ta vie. Donc, tu ne sais pas où est parti planter, où ton argent a été contribué pour faire quoi. C'est ça qu'il faut faire très attention. Je vois, je crois que le frère Prince, pour lui, c'est du tic au tac et c'est bien clair. N'est-ce pas, frère Prince? Merci pour cette intervention. Tu es dans un endroit à Rabat où il y a beaucoup de bruit. Si vous le voulez très bien, on est rendu à 2 heures et quelques minutes. Prenons une respiration musicale et on revient tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, frère. Ah! pas coupable.